19h mardi soir, tu te décarcasses pour savoir où passer ta soirée. Le concert de basse et de maracas est annulé. Mais ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du Pont Neuf te changent, les idées te remettent, les accus à neuf. Les mardis de l'espace au café du Pont-Neuf. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Puis merci à Michel aussi. Merci Michel. Michel est là ce soir. Il sera là toute la soirée pour ponctuer de quelques chansons nos propos, nos échanges. On va parler de forêt tropicale ce soir au Mardi d'Espace. Vous savez, les Mardis d'Espace, c'est organisé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et puis, on a My Science Work qui est là aussi ce soir. Des tweetos qui vont faire part de nos débats sur Twitter. Et donc, voilà, on a peut-être des personnes qui vont intervenir dans notre débat via Twitter. Donc, merci à vous. On va donc parler des forêts tropicales, de ces merveilles de notre planète. Les forêts tropicales, au global, ça couvre 1700 millions d'hectares. Donc principalement en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Et dans ces forêts tropicales, il y a une biodiversité extraordinaire. J'ai lu qu'on a 75% des espèces vivantes, aussi bien animales que végétales, dans les forêts tropicales. Donc c'est absolument gigantesque. On a un réservoir là, immense de biodiversité et un réservoir aussi de carbone qui est absolument gigantesque également, et c'est un milieu fragilisé bien sûr, avec de la déforestation, des incendies, donc un lent grignotage auquel on assiste, n'empêche qu'il y a de la réaction. On s'efforce de contrer aujourd'hui ce grignotage, les pays qui sont concernés sensibilisent leur population de plus en plus, ils mettent en œuvre des programmes de sauvegarde, et puis ils essaient de réguler l'exploitation de la forêt de la façon la plus efficace possible. Et pour cela, ils peuvent s'appuyer sur des outils qui sont en plein développement et qui permettent le suivi de ces zones, ce sont les satellites. Et ils peuvent permettre de suivre les évolutions de ces forêts tropicales. Alors comment les satellites aident-ils justement à la protection de ces forêts tropicales? C'est ce qu'on va voir ce soir. Avec vos questions, hein, je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants de ce soir. Et il s'agit de Benoît Mertens et Aurélie Sand. Merci beaucoup de les remercier de leur présence, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot de vous, Aurélie Sand, par exemple? Bonsoir, donc Aurélie Sand, moi je travaille au CNES, à une direction qui s'appelle la direction de la stratégie et des programmes. Et j'y suis en charge du thème, on va dire, espace pour le développement, c'est-à-dire qu'on travaille particulièrement avec l'IRD sur le thème de qu'est-ce que les technologies spatiales peuvent apporter aux problématiques de développement. Et l'IRD, c'est Benoît Mertens hein, qui est juste voilà. À côté de vous, on va en savoir un peu plus. Ouais. Et donc, vous avez fait plein de choses avant le CNES. Disons que j'ai fait longtemps de la formation. La formation, c'est ça, ouais, c'est ça. Ce qui est important, donc à l'utilisation des images satellites, la formation initiale, type DESS, mais aussi de la formation professionnelle. C'était déjà une filiale du CNES et puis avec d'autres organismes, notamment l'IGN, un certain nombre d'organismes publics qui s'étaient montés en groupement pour apprendre aux professionnels. Donc ça peut être des forestiers, des gens qui s'intéressent à l'océan, l'Ifremer en faisait aussi partie, apprendre à utiliser les données spatiales. Voilà, ça ne va pas de soi, hein. Ça demande c'est effectivement pas, de la formation. Il faut savoir interpréter, utiliser des algorithmes, etc. Et vous avez fait ça dans plein de pays. Et alors effectivement, le GTA travaillait en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, donc en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans différentes langues également. Et également, moi, j'étais à l'époque un petit peu plus spécialisée dans les données radar, puisque en fait, j'ai fait des études de physique. D'accord. Je suis physicienne. Ok. Donc, on voit tout de suite qu'on est avec vous dans de la coopération, hein, c'est de la coopération internationale. Et Benoît Mertens aussi, vous avez aussi beaucoup voyagé. Parlez-nous de vous, Benoît Mertens. Merci, bonsoir à tous. Moi, je travaille à l'IRD, donc c'est l'Institut de Recherche pour le Développement, dans une unité qui va rappeler un nom qu'on vient de citer, puisque mon unité s'appelle Espace Dev, donc Espace pour le Développement également. Même chose, d'accord. Voilà. Même intitulé. Et donc, je suis géographe de formation, et voilà. Et donc, j'ai un parcours pas très linéaire, puisque j'ai fait également de la formation, assistant professeur à l'université, puis dans des centres de recherche internationaux, dans des ONG, dans le privé, pour rejoindre maintenant l'IRD. Voilà. Et vous avez longtemps vécu en Afrique centrale ? Voilà. Où il y a des forêts tropicales ? Il y en a un peu, oui. D'accord. Et vous êtes à la fois donc chercheur, hein, vous travaillez sur l'utilisation des données satellites pour le suivi des forêts, pour la cartographie, donc vraiment chercheur. Et puis vous faites aussi du développement, vous êtes en charge de certains projets pour renforcer en particulier les capacités des pays d'Afrique centrale pour qu'ils utilisent davantage le spatial. Voilà. Ouais. Donc maintenant, c'est principalement mes deux activités à l'IRD. Il y a une partie recherche, comme vous le disiez, sur les questions de l'utilisation de l'imagerie satellitaire pour essayer de mieux mesurer, mieux comprendre les processus qui affectent la forêt. C'est pas vraiment travailler sur la forêt, mais plutôt ce qui impacte la forêt. Et puis d'autre part, des projets, alors plus de développement, effectivement, où on est en collaboration avec des administrations ou des institutions de recherche locales, par des programmes d'appui, des programmes de renforcement, donc de formation, d'équipement, d'appui à la recherche, etc. Donc, deux spécialistes, des questions liées à la forêt tropicale, liées à l'utilisation des satellites pour suivre cette forêt tropicale. Et puis, vous connaissez ça parfaitement, vous allez aussi sur le terrain, hein, vous connaissez ça aussi de très très près. J'ai lu, alors vous allez me dire si c'est vrai, que quand on compte l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre au cours d'une année, La seule déforestation compte pour 15% de ces émissions. C'est-à-dire que les transports, l'industrie, la production d'électricité avec le charbon, le pétrole, etc., le chauffage, évidemment, ça compte pour beaucoup, mais la déforestation, c'est 15%. C'est vrai ? Benoît Mertens. Oui, effectivement, les estimations, c'est effectivement entre 12-15%. Donc c'est considérable, c'est à peu près équivalent aux émissions des secteurs du transport. Donc c'est en pourcentage des émissions d'origine. C'est comparable aux émissions du transport au niveau global. Hein. Au niveau global. La déforestation seule. Voilà. Ouais. Et donc ça c'est le fait de couper les arbres, c'est les feux, tous ces processus de déforestation entraînent des émissions et donc qui sont estimées à ce niveau-là. D'accord. Un arbre qu'on abat et puis qu'on laisse au sol, il pourrit et puis il finit par dégager son carbone. Hein. Son carbone finit par s'incorporer dans l'atmosphère finalement et devenir un gaz à effet de serre. Aurélie Sand, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce que je voudrais compléter en précisant qu'effectivement, c'est un pourcentage net. C'est-à-dire que la déforestation elle-même, en fait, émet beaucoup plus. Mais comme en même temps, il y a du reboisement, il y a des arbres qui poussent, etc. Et donc, il y a quand même en même temps un stockage. Donc là, quand on parle de 12-15%, on est sur du net. Donc, si on regardait que la déforestation sans ce qui est compensé par l'augmentation des forêts dans certaines zones, etc., c'est encore plus important. Et la forêt tropicale, c'est la seule forêt à avoir une réduction de sa superficie. Toutes les autres forêts ailleurs dans le monde ont tendance plutôt à grandir. Oui, effectivement. Les forêts tempérées, donc en Amérique du Nord ou en Europe, ont tendance à s'accroître. Et donc, c'est principalement en Amérique latine et en Afrique centrale qu'on observe une réduction nette de la forêt. Alors, on voit avec les forêts tropicales qu'il y a des enjeux, hein, comme l'enjeu de la déforestation et surtout l'enjeu de celui dont on vient de parler, du changement climatique. Mais il n'y a pas que celui-là, on le verra au cours de la soirée. Est-ce qu'on peut faire une sorte de portrait de la forêt tropicale ? C'est quoi la forêt tropicale ? C'est où ? Ça représente quoi ? On a cité des chiffres. Alors, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. On a du mal un peu à comparer. Donc, effectivement, c'est plus d'1,5 milliard de kilomètres carrés d'hectares. 1,7 milliard d'hectares. Voilà. Donc, c'est à peu près équivalent à 25 fois la superficie de la France. 25 fois la superficie de la France. Ouais, donc, c'est ça, c'est la superficie des forêts tropicales, à peu près. En termes de déforestation, alors là, on est plutôt à peu près 5 millions d'hectares par an. C'est à peu près, en 10 ans, c'est la superficie de la France. Voilà. 50 millions d'hectares. Donc ça, c'est un peu... Maintenant, il y a... Enfin, on en parlera peut-être plus tard dans la soirée, mais il y a toujours le problème de la définition, comme ce qu'on appelle la forêt, puisqu'on le verra en termes de... En particulier avec l'utilisation des images, il y a un impact important de la manière dont on définit la forêt et ce qu'on prend en compte ou pas comme forêt dans la mesure de cette superficie. Alors, c'est quoi la forêt tropicale? Elle ressemble à quoi? Si j'y vais, à quoi je la reconnais? Alors, par définition, les forêts tropicales, donc c'est les forêts qui sont entre les deux tropiques. Donc, elles sont caractérisées par une humidité importante, une chaleur importante. Ce sont des forêts relativement denses, mais qui sont très diversifiées, tant au niveau, au sein même des massifs, donc que ce soit le massif Amérique latine ou Afrique centrale ou Asie, et des fortes différences entre ces différents massifs, en termes d'essence, en termes de densité, etc. Et elle se situe principalement dans trois pays, hein, Oui, donc on a un peu plus de la moitié, hein, donc en Amérique latine. Et ensuite, c'est le deuxième massif, c'est le bassin du Congo, donc l'Afrique centrale. Et en troisième position, donc l'Asie du Sud-Est. Donc c'est l'Indonésie, la Thaïlande, etc. Il y a trois pays, hein, trois pays qui concentrent les deux tiers de la forêt tropicale. C'est le Brésil, la République du Congo et puis l'Indonésie. Voilà. C'est ça. Alors, on a intitulé cette soirée SOS Forêt Tropicale. Il faut lancer un SOS, Aurélie Sand? Je crois que les chiffres dont on vient de parler sont assez évocateurs, hein. Donc, effectivement, il y a un gros phénomène de déforestation. Et puis, à cela s'ajoute un phénomène de ce qu'on avait appelé la dégradation. C'est-à-dire que maintenant, avant, on regardait surtout... est-ce que la forêt avait été coupée? Est-ce qu'elle est encore sur pied, etc. Et en plus, ça se voyait facilement sur une image satellite. Maintenant, il y a un phénomène plus important de dégradation, c'est-à-dire que les gens vont déforester sous couvert. Dans une forêt tropicale, souvent, il y a aussi plusieurs étages. En fait, c'est un milieu qui, verticalement, peut avoir plusieurs types de végétation. Et donc, vous pouvez faire des cultures... Vers le bas, il y a différents types de végétation. Vous avez des très grands arbres, et puis sous ces très grands arbres, vous pouvez avoir d'autres choses qui poussent. Et notamment, en termes de culture, maintenant, les gens essayent que ça ne se voit pas trop, enfin, surtout si c'est illégal. Ah, ils ont compris qu'on voit des choses par les satellites, c'est ça ? Il y a une notion aussi de dégradation. On peut, par exemple, essayer de déboiser à couvert en essayant de laisser quand même des grands arbres pour être un peu caché. Pour donner le change. D'accord. Donc, les pratiques illégales et de déforestation se sont adaptées à la présence des satellites qui, eux... voit beaucoup de choses du haut de l'espace. Oui, pour certaines, effectivement, c'est le cas. Après, il y en a d'autres. Par exemple, en Amazonie, c'est beaucoup l'élevage, hein, l'élevage extensif qui fait le déboisement. Bon, ben là, ça se voit. Hein, là, c'est pas sous couvert. SOS Forêt Tropicale, Benoît Mertens, ça vous inspire quoi? Il faut lancer un SOS, effectivement? Comme le disait Aurélie, oui, donc les chiffres ne parlent pas. Maintenant, c'est un peu, le titre est un peu peut-être sensationnalisme, tant mieux. Mais effectivement, c'est pas un phénomène récent, la déforestation. Mais c'est un phénomène qui s'est accéléré ces dernières décennies. Et donc on en parle beaucoup aussi avec, depuis les sommets de Rio, il y a 20 ans, et il y a un certain nombre de conventions internationales. Alors, il n'y a pas de conventions spécifiques aux forêts. Mais il y a les conventions dont on parle beaucoup sur le climat ou sur la biodiversité ou sur la désertification. Et donc ça, ce sont des conventions dans lesquelles la forêt tient une place importante. Et en particulier sur le climat, où on parle beaucoup des programmes de réduction de cette déforestation et comment on peut mettre en place des mécanismes pour justement récompenser les pays qui réduiraient cette déforestation et donc les émissions de gaz à effet de serre. Les récompenser, comment est-ce qu'on pourrait récompenser des pays qui mettraient en œuvre des politiques efficaces de déforestation? Pour l'instant, c'est encore des débats, c'est dans les négociations, il n'y a pas de processus vraiment fixé, les pays se préparent, mais il y a différents mécanismes qui sont imaginés, des mécanismes financiers pour récompenser les pays, alors soit par des crédits ou par des fonds qu'on mettrait en place, justement pour récompenser les pays qui afficherait effectivement une réduction, mais qui, ça doit répondre à un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire que cette réduction doit être mesurée par rapport à des scénarios qu'on doit établir, donc ça, il y a de la recherche là-dessus. Ça doit être réduit sur l'ensemble du pays, on ne peut pas réduire d'un côté et ça se compense de l'autre. Il faut que ça soit vraiment dû à une politique, que ça ne soit pas un phénomène naturel de diminution. Donc toutes ces exigences-là doivent être intégrées dans ces mécanismes, et donc c'est pas évident à mettre en place. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y a une augmentation de la déforestation et du rythme au cours des dernières décennies. Donc, je vais vous poser la question du rythme de cette déforestation. Est-ce que ça augmente vraiment de façon importante? Est-ce qu'on arrive, avec les politiques quand même qui sont mises en place, à réduire cette accélération, si je puis dire? On va voir ça, mais cette déforestation, elle prend quelle forme selon qu'on est en Amérique, en Afrique, etc.? De manière théorique, on va dire qu'il y a... on distingue souvent deux choses. Il y a les causes, ce qu'on appelle les causes directes et les causes indirectes. Donc les causes indirectes, c'est par exemple le fait qu'il y a une augmentation de la population ou qu'il y a une demande économique pour certains produits, etc., qui n'impactent pas directement mais qui induisent des activités et donc des causes directes qui, elles, sont vraiment à la cause du fait qu'on coupe la forêt. Et donc c'est par exemple l'agriculture, l'exploitation du bois, le développement de l'agro-industrie, etc. Et donc là, on peut différencier de manière très schématique. Au niveau du Brésil, c'est principalement les grandes exploitations pour le pâturage, pour le soja, etc. Principalement le pâturage, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est voilà. Surtout les bovins. Oui, mais également beaucoup de... On fait de la déforestation pour mettre des bovins. Pour mettre en place des pâturages, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et également les cultures de céréales, les soja, etc. D'accord. La palme aussi. La palme, ouais. Ça c'est plus historiquement en Asie du Sud-Est. Ah oui, en Asie. Oui. Et puis en Afrique centrale, où là, c'est des processus qui sont très différents. C'est très différent. Là, d'une part, l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale, c'est très différent. On ne le voit pas. Je ne sais pas s'il y a des images qui vont circuler, mais on voit bien que... Il y a des images qui vont circuler, oui, on en a là. Pour l'utilisation des images satellites, des processus comme en Amérique latine sont relativement plus aisément détectables et mesurables, puisque c'est des processus qui font à grande échelle. C'est des coupes à blanc, donc on coupe vraiment toute la forêt, donc ça se voit bien sur les images. Tandis qu'en Afrique centrale, ouais. C'est des phénomènes qui sont beaucoup plus diffus. En tout cas, historiquement, maintenant, ça change un petit peu, mais traditionnellement, c'est une agriculture un peu itinérante, de subsistance ou à petite échelle, et donc c'est plus difficilement mesurable. Et on y arrive, mais c'est des processus différents. Voilà. Oui, il faut avoir un œil un peu plus affûté pour ça. Et alors, en Asie, comment ça se passe, la déforestation? Alors, je connais moins l'Asie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Asie, ça a diminué. La déforestation est moins importante qu'il y a 10 ans. Elle se réduit. Au niveau net, maintenant, il y a moins de déforestation en Asie que, je citais, l'Amérique latine ou l'Afrique centrale. Mais ce sont toujours des processus à grande échelle. Donc, on citait le palmier à huile, principalement en Indonésie, c'est un phénomène assez connu. Mais donc qui s'est compensé petit à petit par des grands programmes de plantation industrielle. Donc, de nouveau, on peut revenir sur la définition de la forêt. Est-ce que ces plantations industrielles sont des forêts ou pas? Quand on plante du palmier à huile, est-ce que c'est de la forêt tropicale ou pas? C'est ça la question. Voilà, parce que si on veut, on peut définir la forêt simplement en termes de densité de couvert, d'auteur d'arbres, et donc une plantation d'eucalyptus ou de palmiers, enfin des plantations de monoculture, peuvent être considérées par certains par des forêts, pour d'autres pas du tout, puisqu'elles sont pas du tout, elles n'ont pas les mêmes biodiversités, elles n'ont vraiment pas les mêmes services environnementaux, etc. Alors, en termes de services environnementaux et en termes de services rendus par, si je puis dire, c'est entre guillemets, mais en termes de services rendus par ces plantations de palmiers à huile et en termes de biodiversité, je suppose qu'on n'est pas... Voilà, qu'il n'y a pas photo avec la forêt tropicale quand même. Non, là, on en termes de diversité, c'est nul, non, la forêt? Ah oui, non, là, on a un service économique. C'est... Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ça n'a pas du tout la richesse qu'on a avec la forêt tropicale. Non, bien sûr. Ouais. Et alors, quand on parle de la richesse de la forêt tropicale, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a tout ce qui est biodiversité, service rendu. Est-ce que ça se mesure, ça? Ça se mesure, mais difficilement ou de manière indirecte. C'est-à-dire que... les services rendus par la forêt sont très larges. Ils peuvent être économiques, ils peuvent être pour le bien-être des populations, pour la nourriture, pour la pharmacopée, etc. Et ça peut être des services vraiment environnementaux, par exemple en termes de protection des ressources en eau, en termes de protection de l'érosion. Et donc effectivement, ces forêts naturelles ont des services, ont une richesse en termes de biodiversité, en termes de services environnementaux qui est plus important que des plantations. Et qu'on a la peine à mesurer, je suppose. On n'a même pas fait le compte de toute la richesse biologique qu'il y a dans ces forêts. Non, alors là, on s'éloigne un peu de l'imagerie satellitaire, puisque effectivement, là, ce sont des relevés sur le terrain qui vont permettre de préciser par des inventaires la richesse des forêts en termes d'essence de bois ou en termes d'essence végétale ou en termes d'animaux. Donc là, c'est des inventaires qui se font sur le terrain, qui peuvent être appuyés par l'imagerie satellitaire, qui indirectement peut représenter des habitats ou peut représenter une richesse ou des types de massifs forestiers. Mais donc, c'est indirectement qu'on va pouvoir suivre cette diversité. Oui. Alors, vous me disiez que en Asie, on a toujours un recul de la forêt tropicale, hein, mais que ce recul se fait à un rythme moins rapide que par le passé. Qu'est-ce qu'il en est au global de cette déforestation? Est-ce qu'elle continue à accélérer au global ou est-ce qu'elle commence à se freiner au global? Globalement, les derniers chiffres qu'on a, donc il y a un organisme qui est assez connu, qui est la FAO, donc c'est une organisation des Nations Unies pour l'agriculture, qui mesure depuis plus de 20 ans, de manière régulière, ou en tout cas qui publie des chiffres sur la superficie des forêts et de la déforestation. Alors il y a eu beaucoup de polémiques. En agrégeant, hein, voilà. En récupérant des chiffres réalisés, obtenus par divers organismes de recherche, il agrège tous ces chiffres pour essayer de se donner une idée de cette déforestation et de son rythme. Voilà, et donc il y a eu pas mal de polémiques justement sur les chiffres que publiait la FAO par rapport à des chiffres qui étaient dans certains pays publiés par des recherches, entre autres par l'imagerie satellitaire. Mais maintenant, donc la FAO, donc ce même organisme, a mis en place depuis quelques années un programme basé sur la télédétection, donc qui est a priori plus objectif et qui donne des chiffres qui sont sensiblement différents de ce que donnaient les chiffres précédents. Et donc là, donc on a deux méthodes. Soit on a la méthode classique, je dirais, soit on utilise le satellite et on obtient des résultats assez différents, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que les derniers chiffres ont tendance à montrer que alors que sur l'année 90-2000, on était à 8 millions d'hectares, pour 2000-2010... 8 millions d'hectares quoi? Par an? Par an. C'est ça? Entre 90 et 2000, donc la décennie 90, voilà. On perdait 8 millions d'hectares par an. Alors que entre 2000 et 2010, on est plutôt à 5,5 en net, donc en millions d'hectares par an. D'accord. Donc on a une diminution. Donc une diminution du rythme de la déforestation. Voilà, ce qui ne veut pas dire que cette déforestation diminue de la même manière dans tous les endroits du monde. Et donc effectivement, il y a des régions comme l'Asie du Sud-Est dont on a déjà parlé, où on a des programmes de plantation qui compensent et donc qui font que cette déforestation diminue. C'est pas le cas dans toutes les régions. Quand vous dites de la plantation, c'est de la plantation de forêt. Oui, c'est du palmier ou c'est pas du palmier? Non, ça peut être des plantations. Enfin, ça reste des plantations industrielles ou bien il y a des recrues naturelles. D'accord. Donc vous confirmez qu'on a une réduction de du rythme de la déforestation? Ça, c'était les premiers chiffres. Les chiffres de la FAO les confirment. Je ne peux pas moi. D'accord, ça c'est la FAO. Mais, voilà. Mais alors, il y a une controverse. Elle est où la controverse? Non, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de controverse. On a des méthodes qui s'affinent. Et que disent les données satellitaires? Parce qu'apparemment, elles ne disent pas exactement la même chose. Mais c'est-à-dire les données satellitaires qui sont utilisées dans ce programme dont je parlais de la FAO, ça, c'est les chiffres que je vous citais. Maintenant, pour le faire de manière globale, on va peut-être rentrer dans les détails, mais pour le faire de manière globale sur l'ensemble des forêts du monde, on ne peut pas le faire de manière exhaustive, même avec les imageries satellites, puisque ça demanderait un travail important et des données importantes. Et donc, on travaille par échantillonnage. Et donc, on fait Vous parlez bien des satellites. Hein. On ne peut pas couvrir l'ensemble de la superficie avec des satellites. On ne peut pas suivre ça avec des satellites. Voilà, avec une précision suffisante pour faire ce suivi, c'est compliqué. Ouais. Et donc, on met en place un échantillonnage, où on prend des échantillons d'images répartis sur l'ensemble du globe, et on suit sur ces échantillons l'évolution à partir desquelles on peut extrapoler des chiffres au niveau global. Donc, Aurélie Sand, vous confirmez effectivement qu'on a une... la déforestation continue à gagner du terrain, mais moins que par le passé. Effectivement, moi je suis également, les chiffres de la FAO, c'est sûr. C'est ceux qui font référence. Ouais. Après, effectivement, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on appelle forêt, puisque aussi par satellite, et en particulier par rapport à la valeur de la forêt. Donc, si on regarde la question de la séquestration du carbone, ça ne va pas être la même que celle de la biodiversité. Et effectivement, est-ce qu'une plantation industrielle qu'on va prendre en compte dans la forêt parce qu'elle va séquestrer du carbone, en même temps, ce n'est pas de la forêt primaire non plus, avec pas la même biodiversité. Donc, on joue à ce que disait Benoît par rapport à la sélection de la forêt. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, vu l'étendue des forêts, on a du mal à la fois à avoir suffisamment d'images d'acquisition satellite pour les suivre et puis à les traiter. Alors, ce qu'on essaye de faire beaucoup, c'est des... C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des images et c'est difficile de les traiter en plus, Ça demande du monde, beaucoup de satellites, des moyens importants qu'on n'a pas forcément. Alors, ce qu'on fait aussi, il y a les différentes agences spatiales dans le monde qui se réunissent à travers un organisme qui s'appelle le CEOS, le comité d'observation de la Terre. Et on essaye entre nous de se mettre d'accord pour arriver à avoir des images de référence d'à peu près toutes les forêts tropicales humides. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout traiter aujourd'hui, mais si par exemple autour de 2010, là c'est un projet qu'on a fait sur le bassin du Congo, on essaye de prendre des images, à la limite même si on n'a pas le temps de tout traiter aujourd'hui, ça donne un historique. Et en 2020, on pourra revenir et avoir une connaissance de l'état des lieux tel qu'il était en 2010. Donc, il y a urgence, même si aujourd'hui on ne peut pas tout traiter, tout calculer, il y a une urgence quand même de prendre suffisamment d'images pour avoir cette mémoire. Et après, effectivement, en fonction de différents lieux, après on va pouvoir y revenir. Et c'est la même chose. État des lieux finalement. Voilà, d'avoir un historique, de garder un historique, même si on ne peut pas tout traiter. Même si on ne peut pas tout traiter, c'est oui, d'accord. Et on utilise de plus en plus justement les archives. Là, il y a une photo par exemple sur Iguassou, etc. Et maintenant, quand on regarde un phénomène, on va regarder les images d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, voir comment a été l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va regarder ça alors, Iguassou. Où est-ce que c'est ça, Iguassou? Voilà. Iguassou. Tout le monde a l'image avec lui? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est Iguassou? Où est-ce que c'est Iguassou? On a les deux images à gauche et à droite. On voit effectivement la différence, les images en haut à gauche et en bas et en haut à droite. Absolument. Donc Iguassou, en fait, ce sont des chutes qui sont assez réputées en Amérique latine, à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. C'est une zone assez touristique. Et donc on voit là sur ces deux images satellites espacées d'une petite trentaine d'années, la déforestation qui est apparue très rapidement sur Iguassou. Alors au nord, vous avez le Brésil, au sud, vous avez l'Argentine. Et on voit vraiment. On est à la frontière, On voit, en fait, le Rio, c'est la frontière. Hein, le fleuve, c'est la frontière. Ah oui, d'accord. Et on voit bien que dans cette zone-là, effectivement, là, au sud, dans la partie droite de la photo, au sud de la rivière, on n'a eu aucune protection mise en place, alors qu'au nord, il y a une zone de protection qui a été mise en place, un parc national. Qui va du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche, cette bande verte, c'est une zone de protection naturelle? Voilà, c'est une zone de protection. Et on voit bien, là, c'est au-dessus, elle est vraiment coupée au couteau, on va dire. Hein. C'est vraiment les limites de la... C'est très net. Et d'ailleurs, j'en profite de faire un petit aparté sur les sites du patrimoine. Ce qui est intéressant, on a travaillé avec l'UNESCO là-dessus, c'est que l'UNESCO a des limites de sites du patrimoine, mais qui sont très incertaines. Et il y a un atlas qui a été fait à partir d'images satellites, où on s'apercevait que souvent les limites telles que connues par l'UNESCO en fait correspondent pas aux limites sur le terrain, et notamment dans ce qu'on appelle les zones de biosphère, de forêt, etc., correspondent pas forcément aux limites sur le terrain de la zone telle qu'on la voit ou telle que les gens la connaissent. Donc il y a tout un patrimoine classé à l'UNESCO, avec c'est ça? Les patrimoines classés. D'accord, donc l'UNESCO parfois classe des sites au patrimoine mondial, mais avec des limites qui ne sont pas exactement les bonnes. C'est-à-dire que les pays qui soumettent un dossier, ils vont fournir des limites, un plan, et puis, bon, ça date quand même depuis aussi pas mal d'années, avec des limites qui parfois sont très imprécises. Et l'UNESCO a d'ailleurs sorti un atlas, hein, que vous pouvez trouver avec des images satellites, où il superpose l'image satellite et la limite telle qu'elle est connue par l'UNESCO. Et donc, sur une image comme ça, vous pourriez voir quelque chose où vous voyez, par exemple, parce que là, on la voit très bien, la limite, la limite du parc. Et bien, finalement, elle pourrait être passée à 200 km au-dessus ou 50 km en dessous. Enfin, on voit qu'il y a des gros décalages. Mmh. Et également, il y avait un programme avec l'UNESCO pour le suivi des forêts. Parce qu'il y a des forêts qui ont été classées UNESCO, qui sont des réserves, etc., donc de biosphère. Et on voit par satellite qu'on les suit, qu'en fait, elles commencent à être complètement mitées par l'agriculture, qu'il y a des gens qui s'installent. Même celles qui sont protégées. Le problème, c'est que encore faut-il pouvoir avoir les moyens de faire respecter cette protection. Et autant dans les pays développés, effectivement, c'est le cas, autant, je pense, c'est un exemple en Amérique centrale, effectivement, c'est des pays qui n'ont pas les moyens de mettre un garde dans les bosquets et autres. Donc là, il y a un programme l'UNESCO, enfin sur le suivi des patrimoines, qui est sur les technologies spatiales au service du patrimoine, et où donc on essaye de suivre par forêt satellite les espaces qui semblent, enfin par image satellite, les espaces qui semblent les plus vulnérables parmi ceux qui sont déjà classés par l'UNESCO. Alors on a bien compris que donc les satellites de plus en plus sont les données satellites sont de plus en plus intégrées pour essayer de mesurer le déboisement et suivre de la façon la plus précise cette déforestation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite? L'intérêt du satellite effectivement c'est d'arriver à couvrir une grande zone de façon répétitive par rapport à envoyer des personnes sur le terrain. C'est quand même on a quand même une meilleure vue du ciel hein. Maintenant. Grâce notamment à Google et à Google Earth, la plupart du public a une idée de ce à quoi ressemble une image satellite. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les satellites peuvent être un petit peu spécialisés. C'est-à-dire que vous en avez qui vont prendre des images de plusieurs centaines de kilomètres de large, voire même 1000 ou 2000 kilomètres, mais avec pas une très grande précision. Sol, on ne va pas voir les détails. Et puis, vous avez des satellites qui, eux, vont prendre des images beaucoup plus petites, une vingtaine de kilomètres typiquement de large. Mais là, vous avez des détails de l'ordre de 50 cm. Et dans un cas, vous faites un kilomètre et dans l'autre, 50 cm. Donc, en fonction, j'ai envie de dire, on a un peu toute une gamme. Comme en fonction de savoir si vous avez une grande famille ou si vous avez une petite voiture, vous avez une gamme de véhicules disponibles. Ben là, en fonction de l'utilisation de ce qu'on cherche à voir, on va utiliser différents types de satellites, soit très précis, soit on va privilégier le fait qu'ils repassent tous les jours. Donc, on a une image tous les jours si on veut suivre des phénomènes qui ont une dynamique très importante. On va privilégier ce qu'on appelle la répétitivité temporelle. Ou alors, si on veut faire de la cartographie, parfois, on va privilégier la précision. Ou dans des suivis comme ça, on va privilégier peut-être des images qui sont relativement larges. Parce que si on regarde la forêt tropicale avec des timbres postes, on n'est pas arrivé. Quoi. Avec des petites images de 20 km par 20 km, on a parlé de milliards d'hectares, ça va prendre du temps. Donc, différents satellites. On va peut-être d'abord utiliser ceux qui balayent large pour déterminer les zones d'intérêt. Peut-être ensuite, là, faire un petit focus sur chaque zone qui nous intéresse, c'est ça? Voilà, c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire que plus les satellites balayent large, plus ils repassent régulièrement au même endroit. Donc plus on peut avoir une image souvent. Donc si on veut faire un suivi, c'est intéressant. Et puis, bon, on a besoin de moins d'images. C'est moins précis. Donc les traitements, la place que ça va prendre, la place mémoire que ça va prendre sur les ordinateurs, le temps des traitements va être moins long, etc. Donc en général, on suit plutôt ces phénomènes à cette échelle-là. C'est d'ailleurs ce que fait le Brésil, hein, beaucoup pour le... parce qu'ils travaillent beaucoup sur le suivi de leur forêt, de la forêt amazonienne, et ils ont des bonnes compétences dans le traitement de la donnée spatiale. Hein. Les Brésiliens, ils sont, de ce point de vue-là, ils ont fait beaucoup de recherches et ils sont tout à fait compétents. Donc, ils font des suivis réguliers, à peu près tous les 15 jours. Et puis, quand on voit qu'il se passe quelque chose, en général, c'est un peu ça le processus, si on voit que d'une acquisition sur l'autre, il y a des changements, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a bougé, à ce moment-là, on va aller voir. Et à ce moment-là, on peut utiliser un satellite plus précis pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une piste qui est en train d'être construite? Alors, s'il y a une piste qui est en train d'être construite, est-ce qu'elle est légale? Est-ce qu'elle est illégale? Bon, et si elle est illégale, on peut se douter qu'il va y avoir une autre exploitation illégale derrière. Donc ça peut être de la forêt, ça peut être de l'orpaillage en Guyane, ou ça peut être une exploitation de ressources autres que forestières également, mais une exploitation de ressources. Et donc la première chose qu'on regarde, c'est si c'est légal ou illégal. Alors je vais vous demander de tourner la première page et de vous porter sur cette image-là. C'est une image noir et blanc qui s'intitule « Les images et produits ». Vous voyez là, l'image en noir et blanc, « Les images et produits ». Alors voilà typiquement le genre d'image qu'on peut obtenir également. Aurélie Sand, est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Alors, donc ça c'est une image radar. Donc les radars ne sont pas sensibles à la même chose que les images qu'on voit habituellement, qui sont des images optiques. Donc, qui sont comme nos appareils photo et à peu près comme notre œil, hein, avec les couleurs. La différence avec un radar, dans ces images optiques, en fait, c'est la réflexion du soleil qu'on regarde sur la scène. Alors, on va peut-être faire un zoom ensuite sur la différence entre l'optique et le radar, mais justement sur cette image-là en particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, sur cette image, le radar, lui, il est très sensible, notamment à l'humidité. Donc, on voit au niveau du fleuve. Donc on voit très bien l'eau aussi, l'eau, on va dire l'eau liquide, l'eau libre pour nous par rapport à une zone humide, donc qui elle est très noire sur une image radar. Et vous voyez autour du fleuve là, vous avez des zones en gris qui sont des zones qui sont gorgées d'humidité. Donc on voit très très bien l'humidité et on peut tout à fait suivre même les petites remontées d'eau. On voit des petits diverticules, on va dire, de remontées d'eau. Et un espèce de lac là qui s'est formé, qui est très important. Alors ça, c'est au niveau le lac de qui s'est formé, c'est l'espèce de trait noir là qui descend vers le bas, hein, assez large. C'est la grosse tache noire allongée et verticale au milieu. C'est ça que vous appelez le lac. Voilà. Et effectivement, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va superposer cette image avec une période plutôt en saison sèche, et on va voir où là, on aura vraiment que le lit principal du fleuve. Et on va pouvoir, du coup, quantifier. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut calculer des superficies, des surfaces. Donc, on va pouvoir très facilement calculer, quand on connaît la taille de l'image et du pixel, on va pouvoir très facilement calculer le nombre d'hectares qui ont été inondés. Alors là, on est dans de l'inondation, on n'est pas dans de la déforestation. Donc, les satellites, c'est très intéressant pour la déforestation. Mais quand on s'intéresse aux forêts tropicales, on ne s'intéresse pas que à la déforestation. Il y a plein de choses qu'on peut suivre depuis l'espace. Absolument. On peut prendre le pouls de la forêt aussi du point de vue des inondations, des feux de forêt, etc. Tout à fait. D'autant plus que les zones humides peuvent être aussi des zones de déstockage également de gaz à effet de serre. En fait, il y a aussi un impact. Une zone humide de va pas production de gaz à effet de serre. Va pas réagir. Enfin, pareil qu'une zone sèche. D'accord. Et puis bon, bah là ici. Donc ce grand lac là, c'est le signe quand même d'un endroit où il y a une inondation. Hein. Alors ça, c'était le côté inondation. Mais cette image, elle a un peu plus de choses à nous dire que la seule inondation. Alors il y a quelque chose de tout à fait étonnant qu'on remarque pas. Hein. Il a fallu que vous me montriez, il a fallu que vous me disiez cette chose là. C'est tout à fait étonnant. Qu'est-ce qu'on voit en plus dans cette image, Aurélie Sand? Alors, si vous regardez un petit peu plus dans le bas de l'image, le bas à droite, vous voyez en fait un phénomène de déforestation en peigne ou en arête de poisson. Donc, c'est-à-dire que vous voyez d'est en ouest, on va dire de droite à gauche, vous voyez un trait qui correspond en fait à une piste qui a été ouverte. Ça, c'est une piste qui a été ouverte. Et en fait, c'est même c'est la transamazonienne qui a été ouverte, puis c'est une route qui a été ouverte pour traverser l'Amazonie, et on s'aperçoit que dès qu'on crée une piste, à ce moment-là, ben, à partir de cette piste, vous allez avoir une déforestation qui est perpendiculaire, c'est-à-dire que vous avez la piste là qui est horizontale et vous voyez verticalement, vous avez des petits traits. Et ça veut dire qu'à partir de cette piste principale, ben, les gens en ont profité pour s'enfoncer dans la forêt, pour aller faire donc de l'exploitation et accéder au milieu, parce que sinon c'est quand même assez inaccessible. Donc de part et d'autre de cette piste, on voit très bien hein, cette piste qui va de droite à gauche, vers le bas de l'image, on voit effectivement en peigne, hein, en haut et de part et d'autre de cette piste, donc de façon horizontale, des espèces de trouées qui sont faites hein, dans la forêt. Et voilà, c'est ça c'est le signe de la déforestation. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là, on voit très très bien. Ça, c'est vraiment caractéristique. C'est les déforestations. Ouais. Et ça se fait très souvent comme ça. Enfin, parce qu'en général, voilà, il faut déjà arriver, il faut qu'il y ait un accès au lieu. Et après, petit à petit, à partir d'un centre, ça se propage. Mmh. Il y a autre chose qu'on peut voir avec et qu'on peut suivre avec les satellites. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? Où est-ce qu'elle est? On peut peut-être d'ailleurs, juste d'un mot quand même, regarder la première image. Elle ne concerne pas la forêt tropicale, hein. C'est Sumatra, le tsunami, donc ça, ce n'est pas la même chose. Enfin, on peut peut-être en dire un mot quand même. Ça, on voit quand même la netteté. Bon, évidemment, c'était un drame épouvantable, hein, donc ça, évidemment, faut le rappeler. Hein. C'était évidemment un très, très grand nombre de personnes qui ont disparu dans cette effroyable catastrophe. Mais voilà, les satellites ont été utiles aussi pour réagir, hein, et puis pour faire le recensement des dégâts, si je puis dire. Oui, si on fait une petite aparté rapide, il y a quelque chose qu'on appelle la charte internationale espace et catastrophe, c'est-à-dire que la plupart des agences spatiales du monde se sont mises d'accord pour que s'il y a une catastrophe d'importance à ce moment-là, on arrête tout ce qu'on fait avec les satellites et on essaye tous d'acquérir un maximum d'images pour fournir le plus rapidement possible aux secours, aux organisations donc en charge des secours, des informations relativement fiables. Donc en général, c'est de l'ordre de, entre 24 et 48 heures, on peut indiquer, par exemple sur Haïti, on a pu indiquer les bâtiments écroulés, et surtout ce qui intéresse, c'est effectivement quels sont les ponts qui sont encore debout, qui sont écroulés. Et en fonction aussi des zones, puisqu'il y a des zones qui vont être plus sensibles que d'autres, est-ce que c'est de l'habitat ou est-ce qu'au contraire, il y avait des hôpitaux, Donc très très vite, on peut fournir une première carte des dégâts des zones où il faut aller en priorité. Parce que quand il y a, comme celui-ci à Sumatra ou ce qui s'est passé en Haïti, ben, en gros, la question c'est par où on va commencer, quoi, parce qu'il y en a partout. Donc déjà, de pouvoir fournir assez vite une carte précise des zones les plus où il y a eu le plus de dommages, ça c'est vraiment une aide importante. Et ça se fait justement en utilisant une image avant-après. C'est pour ça que, par exemple, je vous parlais de la question de l'archive tout à l'heure. On voit cette image de 2004 de Sumatra qui a été prise. Elle n'a pas été prise pour une raison particulière. Elle a été prise parce que justement, on essaye en permanence d'avoir un état des lieux, en fait, de prendre des images de tout le globe régulièrement pour avoir ces références. Et à ce moment-là, dès qu'il y a eu le séisme, on est allé chercher dans les archives quelle est l'image la plus récente. On en avait une. Et à ce moment-là, on compare. Et là, il y a des processus aussi relativement automatisés. On compare ce qui s'est passé d'une image à l'autre. Et donc, on voit l'évolution du couvert, enfin, de l'occupation du sol ou de ce qui se passe. Donc, ça, c'est une charte internationale qui se met en place quand il y a des catastrophes. Et urgence absolue, priorité aux images qu'on va prendre de l'endroit en question. Et certains programmes sont déplacés dans le temps, hein, pour pouvoir effectivement parer au plus urgent. On peut peut-être revenir au premier document, hein, qu'on vous a transmis. Voilà, on a vu les deux images d'Iguassou, vous vous souvenez. Et puis en dessous, il y a quelque chose qui s'appelle orpaillage en Guyane. Orpaillage en Guyane. On est capable de détecter ce genre de choses avec les satellites, Aurélie Sand? Oui, c'est quelque chose qu'on essaye de suivre, en tout cas. Puisque, vous savez que l'orpaillage illégal en Guyane, c'est un gros problème. Donc ça se passe au milieu de la forêt, dans des endroits où il n'y a pas grand monde. Ça pose des problèmes, bien sûr, parce qu'on évalue quand même, je crois, 7 tonnes d'or, la quantité d'or qui sort illégalement de Guyane chaque année par l'orpaillage illégal. Mais ça pose surtout des gros problèmes en termes de pollution, en fait, des écosystèmes, parce que autant l'orpaillage légal est soumis par le code minier et autres à des réglementations assez strictes, notamment dans l'utilisation du mercure et des métaux lourds pour travailler. Autant, dès qu'il s'agit d'exploitation illégale, il n'y a pas beaucoup de scrupules et les gens utilisent effectivement ce qui coûte le moins cher et qui fonctionne le mieux ou plus facilement et donc se préoccupent peu de la pollution des rivières. Donc il y a un problème de pollution des rivières avec derrière de pollution des poissons et des peuples qui vivent dans la forêt et qui se nourrissent des poissons. Donc il y a des gros problèmes de maladies liées à ces pollutions par les métaux lourds du fait de leur page clandestine. Donc, il n'y a pas qu'une histoire d'or, on va dire, justement, c'est le cas de le dire, mais il y a aussi un problème de santé publique très important lié à leur paillage. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut remarquer souvent, c'est une évolution, en fait, au niveau des rivières. On peut voir s'il y a des pistes importantes qui sont créées, parce que c'est quand même du matériel lourd, souvent, qui est amené. Hein. Donc ça se voit depuis l'espace. Alors ça peut se voir depuis l'espace. Et puis, en fait, on travaille donc justement sur la signature des rivières. Oui, parce que vous me disiez que ça se voit depuis l'espace, hein, tout ce matériel qu'on installe, les pistes qu'on trace. Mais en même temps, eux aussi, ils ont appris, et de plus en plus, ils travaillent sous couvert. Hein, donc, ils gardent les plus hauts arbres, ceux qui produisent le couvert le plus important, et puis ils s'installent sous le couvert végétal. Oui, oui, tout à fait. Ils essayent de se cacher, hein, comme toute activité illégale. Et donc, bon, l'avantage, c'est que là où il y a les forêts, les rivières, si la rivière est suffisamment large, ben, il n'y a pas d'arbres. Donc, on peut voir effectivement ce qui se passe. Et en général, on a un changement dans la turbidité de l'eau, c'est-à-dire que l'eau est remuée, forcément. Ce qui se passe, c'est que vous avez le fleuve, enfin, ou la rivière qui s'écoule, et en général, ils font une dérivation, c'est-à-dire qu'ils vont laisser un lit principal, puis ils vont faire un lit secondaire à côté, où ils vont pouvoir travailler tranquillement. Parce qu'on a besoin d'eau pour... Oui, puis l'eau... Pour leur paillage. Pour leur paillage, ouais. et puis l'eau aussi charrie... Enfin, beaucoup de choses. Enfin, dans les lits de la rivière, souvent c'est là qu'on retrouve l'or. Et donc là, c'est une détection qui est utilisée à partir des images satellites en combinant en fait les, parce que les images regardent en différentes fréquences, dans différentes couleurs, on va dire. Et donc là, ce sont des équipes de recherche du CIRAD, qui est un centre de recherche qui est spécialisé dans l'agriculture, principalement aussi dans les pays en voie de développement et outre-mer. Et donc, qui ont travaillé en télédétection pour mettre au point un algorithme qui permet de détecter ces changements de turbidité dans l'eau. Un algorithme, donc c'est un programme mathématique, hein, voilà, pour essayer de faire du calcul. Une règle mathématique, ouais. qui permet de dire, ben voilà, si c'est cyan ou si c'est violet, c'est qu'il se passe ça et ça. Et donc là, on voit un peu, ils font des systèmes de casiers aussi, qui sont visibles sur cette image. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne en opérationnel. C'est-à-dire qu'en Guyane, maintenant, c'est l'ONF, donc l'Office National des Forêts, qui est chargé de suivre ça. Donc, ils acquièrent des images régulièrement, tous les mois ou parfois deux fois par mois. Et ils traitent donc ces images, hein, avec ces algorithmes mathématiques pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il y a des changements de turbidité. Et donc, bah, quand on voit qu'il se passe quelque chose, à ce moment-là, là, après, c'est... Ça veut dire que c'est la gendarmerie qui intervient, qui envoie un avion de reconnaissance. Mais c'est un suivi qui est permanent et qui donne d'assez bons résultats. Et récemment, ils se sont fait tirer dessus, là, les gendarmes. J'ai vu ça il y a quelques semaines ou quelques mois, en se rapprochant d'un endroit où il y avait de l'orpaillage. Oui, il y a quelques mois maintenant. Oui. Oui, parce que cet orpaillage clandestin, il peut être quand même très, très organisé, hein, puisque déjà, il faut des bateaux, il faut du gros matériel... Et donc, c'est un peu des bandes avec des chefs de gang. Hein, et ils sont souvent lourdement armés aussi. Un des problèmes, on va dire aussi, connexes, c'est que... Enfin, en tout cas, les orpailleurs clandestins brésiliens, au moins... Enfin, quand ils viennent faire de l'orpaillage clandestin en Guyane, c'est un territoire français, donc avec des lois françaises. Et donc, quelque part, ils ont presque le sentiment qu'ils risquent moins leur peau parfois qu'au Brésil. Parce que si vous êtes attrapé par des gendarmes français, ben, vous n'allez pas être tué, vous allez éventuellement être condamné, vous allez être reconduit à la frontière. Mais il y a quand même un certain nombre de règles. C'est la France, hein, donc il y a un certain nombre de règles, y compris contre les personnes qui font une exploitation illégale, quelle qu'elle soit. Et un respect quand même des gens qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays autour. Donc, donc ils viennent plus spontanément en Guyane pour faire le paillage. Disons que parfois, il y a des règlements de compte qui peuvent être plus durs ailleurs que chez nous. Mais... Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, coucou, coucou, hibou, coucou. Coucou, coucou, coucou, hibou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le bulldozer déracinant le chêne où nichait le hibou. Ouh, Stroumbouk, vroum vroum, coucou hibou. Ouh, Stroumbouk, vroum vroum, coucou hibou. Dans la forêt lointaine, on entend les tronçonneuses découpant le grand chêne où nichait le hibou. Ouh, Chromebook, gre-gre, coucou, hibou, ouh, Chromebook, vroom vroom, gre, coucou, pé, adieu, libou. Oh, c'est une histoire triste, Michel. Alors, on a encore plein de choses à se dire. On n'a pas vu la différence entre l'optique, le radar, enfin, plein de choses comme ça. Mais c'est pas grave, peut-être que vous avez envie de discuter directement avec nos intervenants, auquel cas je vous passe le micro. Et puis, la parole est à vous, madame. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y en est de l'érosion par l'océan. Parce que j'ai vu au Brésil, au sud de São Luís, c'est carrément la forêt qui tombe dans l'océan. Donc, l'érosion de la forêt, en fait. L'érosion de la forêt par l'océan. Effectivement, alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi sur la côte guyanaise. Il y a énormément d'érosion. Et en général, c'est beaucoup au niveau de la mangrove. C'est-à-dire que c'est des côtes où vous avez de la mangrove. Donc, vous pouvez avoir plusieurs centaines de mètres, mais qui vont disparaître assez rapidement. C'est-à-dire qu'en l'espace de un ou deux ans, même parfois à peine. On l'a vu d'ailleurs au niveau du bâtiment de l'IRD, qui est maintenant au bord de l'eau, et avant il y avait beaucoup de mangroves devant à Cayenne. Mais en général, c'est quand même un phénomène cyclique, c'est-à-dire que vous allez avoir des périodes pendant lesquelles vous allez avoir cette érosion, et puis il va y avoir des périodes aussi d'accrétion. Et ça, c'est caractéristique de la mangrove. L'accrétion, ça veut dire qu'au contraire, on va avoir de la terre qui va s'accumuler, voilà, à l'endroit où ça avait creusé. Absolument. Ouais. Et donc, si on regarde par exemple au niveau du littoral guyanais, il y a des périodes où la mangrove recule et puis il y a des périodes où la mangrove avance à nouveau sur la mer. Et donc, il y a des cycles comme ça sédimentaires qui peuvent être liés beaucoup. Bon, là par exemple, en Guyane française, on est encore sous l'influence, on voit très bien l'influence de l'Amazone, des sédiments de l'Amazone qui ont après l'arrivée sur mer, ça part sur des zones très très étendues. Et après les courants, puis après il y a les constructions. Bon, il y a aussi les phénomènes naturels, et puis il y a toutes les constructions humaines aussi qui font varier en fait tous les équilibres hydrosédimentaires, mais qu'on maîtrise pas encore très bien. Et enfin, on le voit même sur nos côtes, hein, parce qu'il y a des endroits où on a dit on va mettre des constructions, mettons pour empêcher l'érosion, etc. Puis on s'aperçoit qu'en fait c'est 300 mètres plus loin que du coup le sable s'en va, etc. Donc c'est des phénomènes qu'on observe, mais qu'on a aujourd'hui du mal à la fois anticiper et à comprendre finement quand même. Monsieur. Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous partagez donc les données recueillies par les satellites au niveau informatique, par exemple avec des associations sur place qui pourrait notamment justement faire le travail qui est pas possible via un satellite et aller vérifier certaines zones et pourquoi pas avec une carte du style de Google Maps poser des annotations dessus et avoir un échange entre vous qui travaillez, on va dire, vraiment à haut niveau avec les satellites et eux sur place. Et oui, c'est toute une dimension dont on n'a pas parlé, hein, parce que j'ai dit que vous alliez sur le terrain, c'est le cas, hein, mais on n'en a pas encore parlé, on est encore resté dans l'espace, mais il se passe plein de choses dans la coordination entre ce que vous faites avec les images du spatial et puis ce qui se fait sur le terrain. Alors je dirais que cette participation collective ou sociétale, elle fonctionne bien dans nos pays. Par contre, elle est quand même beaucoup plus difficile en Afrique ou... par exemple, puisqu'on parlait de l'Afrique, puisque ça veut dire des personnes quand même localement qui aient des compétences, etc. Alors, on travaille avec certaines ONG, notamment à Madagascar. Enfin, il y a des ONG qui travaillent sur ces mêmes sujets, on va dire, donc qui utilisent des données satellites. Donc, on peut partager, on peut les aider. Parce que nous, ce qu'on fait surtout au CNES, hein, l'IRD, c'est un peu différent, Benoît vous en parlera après, on aide les gens à acquérir... En fait, à pouvoir utiliser ces données. Alors, il y a des programmes pour fournir les images. Il faut savoir qu'il y a des données satellites gratuites et puis il y a des données satellites payantes. En général, c'est en fonction justement de la précision de la résolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les données, jusqu'on va dire de l'ordre de 20-30 mètres, on peut en trouver des gratuites, hein, que ce soit le dernier satellite américain Landsat qui vient d'être lancé, ou il y a un programme de l'Union européenne qui s'appelle, avec un certain nombre de satellites qu'on appelle les Sentinelles, et dont le premier va être lancé là cette année, et celui qui nous intéresse parce qu'il serait intéressant pour la forêt, va être parti en 2014. Donc là, ça, c'est des images que tout le monde peut télécharger sur Internet, qui sont disponibles. Donc, voilà, elles sont disponibles. Et puis après... Avec un taux de rafraîchissement suffisamment important. Ce n'est pas des dates qui datent d'il y a 20 ans. Ah ben non, c'était des... Ben là, Landsat 8, il a été lancé donc fin 2012. Donc, si vous voulez, c'est des images qui sont disponibles à peu près au moment où elles sont prises. Où, pour Sentinel, on dit, bon, mettons, on va se donner 24-48 heures. Et donc, c'est des images d'aujourd'hui. Hein, et c'est un petit peu nouveau, c'était pas le cas au début. Donc de plus en plus maintenant, il y a des choses qui sont disponibles sur Internet. Cela dit, il ne faut pas oublier que si vous êtes en Afrique et que vous voulez télécharger une image satellite par Internet, je vous souhaite du courage parce que les problèmes de débit, les problèmes... Donc il y a savoir traiter l'image, déjà il y a savoir la récupérer. Donc c'est pour ça notamment qu'on installe aussi les stations de réception localement parce que bon, c'est un autre problème, mais c'est un problème sur lequel Benoît travaille aussi sur ces questions-là. Rendre accessible la donnée en Afrique, c'est aussi avoir des infrastructures où il faut des tuyaux quand même télécom, ou, que ce soit par satellite ou par filaire, mais la DSL, elle est pas partout loin de là. Donc il y a aussi cette difficulté de, même si la donnée est disponible sur un site internet, c'est pas pour ça que les gens peuvent l'avoir localement. Alors, Benoît Mertens, vous allez sur le terrain, vous avez beaucoup, vous avez vécu en Afrique, vous travaillez en Afrique. Comment ça se passe sur le terrain, cette coordination, cette utilisation des images spatiales? Par rapport à la question posée, donc effectivement, il y a deux choses. Il y a un peu cette démocratisation de l'accès à la donnée, et puis il y a l'utilisation qu'on peut en faire sur le terrain. Donc effectivement, ces dernières années, il y a vraiment l'offre de données gratuitement accessible est sensiblement plus importante. Hein, elle a été initiée il y a quelques années et maintenant, de plus en plus, il y a des données qui sont gratuites et accessibles sur Internet. Pour tout le monde ou non? Il faut pour tout le monde. Pas de blanche. Ah bon, d'accord. Et je vais où là pour avoir accès à... C'est-à-dire qu'il y a les agences spatiales ou qui distribuent les données et qui sont dans ce processus d'accès libre, mettent donc à disposition du public des catalogues de données. Il y a Google Earth, bien sûr, mais il y a d'autres. Google Earth, c'est différent puisque là, c'est simplement de la visualisation. Oui. Donc on ne peut pas vraiment charger la donnée et la traiter. D'accord. On peut juste visualiser. Comme... Et donc c'est déjà très intéressant. C'est en accès libre. C'est en accès libre. Et qu'est-ce que je tape dans mon moteur de recherche pour trouver ces images? Là, typiquement, Aurélie parlait de Landsat, donc c'est un des programmes américains. Je vais sur le site de Landsat et je devrais pouvoir trouver... Voilà, il y a un catalogue de données. D'accord. Et donc on donne ces références géographiques. Les coordonnées GPS. Voilà. Et donc on peut retrouver des données, ou en tout cas, selon les disponibilités, parce qu'il y a toujours des problèmes d'ennuagement ou de disponibilité de données, mais donc les données, en tout cas, il y a cette offre de données qui s'accroît. Maintenant, comme disait Aurélie, le gros problème, surtout en Afrique, c'est l'accès informatique, c'est l'accès Internet. Et là, donc, il y a des programmes assez importants de réduction de ce qu'on appelle cette fracture numérique, où donc il y a des accès de fibres optiques qui descendent le long de la côte africaine et qui, petit à petit, desserrent les pays. Donc, petit à petit, il y a un accès qui augmente, mais c'est encore effectivement assez compliqué de télécharger la donnée. Et donc, il y a des programmes qui se mettent en place pour apporter les données sur place, etc., pour essayer de faciliter ça. Après, il y a tout l'aspect, tu en parlais un petit peu, participatif. Alors là, c'est intéressant parce que là aussi, il y a des programmes qui... ça existait un petit peu, mais maintenant, il y en a de plus en plus. Des programmes de suivi ou des programmes qui font des suivis de zones particulières ou des forêts et qui permettent à n'importe qui, si on a un téléphone avec un GPS ou bien un DGPS ou bien si on a une référence à un village, etc., on peut informer le système. Et là, de plus en plus, il y a des ONG, donc c'est la société civile, surtout en Afrique, que je connais un peu, qui sont impliquées là-dedans et qui ont des personnes qui sont équipées, qui sont formées, qui peuvent utiliser un GPS, quand ils observent un phénomène particulier, peuvent prendre le point GPS et le transmettre à ce type de programme. Et donc ça, c'est intéressant puisque on augmente un peu la participation. Maintenant, il y a tout le problème de la vérification de l'information qui est fournie, mais il y a un peu un partage d'informations qui se fait. Qui se développe, d'accord. Et vous êtes allé sur place en particulier et vous avez fait des vérifications comme ça. Vous saviez que les satellites vous avaient dit à cet endroit-là, il y a du clandestin, il y a des choses comme ça. Et vous êtes allé sur place vérifier avec les autorités locales? C'est-à-dire que dans tous les traitements ou les algorithmes dont Aurélie parlait, il y a tout un problème de calibration. Et donc, il est toujours nécessaire d'avoir une information de terrain qui permette de vérifier l'interprétation qu'on fait de l'image. Donc, on disait telle couleur, c'est tel phénomène, etc. Il nous faut une référence, donc il faut une information soit de terrain, soit une information satellite plus précise qui permette de vérifier, de valider l'interprétation ou l'analyse qu'on fait de l'image. Et donc, il y a toujours une activité de terrain qui est importante, d'une part pour vérifier ou valider l'interprétation ou la cartographie qu'on fait, et d'autre part pour comprendre. Alors ça, c'est un autre aspect, c'est essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et donc il y a souvent des campagnes de terrain ou d'enquête ou de rencontres, d'entretiens avec dans les endroits qu'on étudie pour essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et donc là, ça aide à comprendre le processus qu'on étudie. Donc vous étiez au Cameroun notamment dans les années 2000. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qui s'est passé au Cameroun? Bon, ben là, c'est un peu une expérience. Moi, je travaillais alors à ce moment-là, donc dans plusieurs pays d'Afrique centrale, justement sur. Il y avait deux choses. Aurélie en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu, l'importance de l'imagerie satellitaire, du fait de sa géométrie, de sa précision. Et donc, grâce à l'imagerie satellitaire, on a pu améliorer toute la base cartographique dans ces pays-là, puisque la plupart des pays, en tout cas d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui travaillent encore avec les données de cartographie, d'hygiène, il y a 20-30 ans. Et donc on est avec une précision. Donc on n'a pas de bonne carte de toute façon aujourd'hui. Donc pour les questions de développement dans ces pays, pour les questions de suivi, juste savoir positionner des éléments, c'est pas systématique. Il y a des pays qui ont mis à jour par des bases de données numériques, donc qui ont des bases cartographiques plus précises. Mais il y a encore beaucoup de pays pour lesquels la référence même légale, c'est encore les produits de l'hygiène d'il y a 20-30 ans. Donc effectivement, on a des problèmes de précision parfois très importants, entre autres avec les problèmes de limite dont on parlait tout à l'heure, le fait que la limite d'une aire protégée ou la limite d'un permis où on peut exploiter n'est pas connue précisément, et donc ça permet, ça rend le contrôle difficile. Ouais. Et donc l'imagerie satellite a permis à ce moment-là d'affiner cette précision géographique. Donc moi, dans le programme sur lequel je travaillais, c'était justement sur les concessions forestières, donc les permis où on octroie des permis pour l'exploitation du bois. Et donc l'imagerie satellitaire a été utilisée pour affiner les limites de ces permis et des zones qui pouvaient être exploitées ou des zones qui devaient être conservées. Et ensuite, l'imagerie satellitaire, avec sa répétition dans le temps, permettait de suivre les traces de cette exploitation. Mais il fallait aller sur le terrain pour vérifier. Est-ce que les traces qu'on voit sont effectivement une piste d'exploitation du bois, ou bien est-ce que c'est une piste qui a été construite par le village pour une fin agricole, ou c'est une route de l'État qui a été réhabilitée? Et donc tout ça se vérifie sur le terrain, puisque de l'image, on ne voit que la piste, on ne sait pas pourquoi elle a été créée et par qui. Et alors, pour revenir un peu sur l'aspect, on en parlait tout à l'heure, de l'aspect un peu temporel, il faut savoir qu'il y a des pistes qui sont même pour l'exploitation forestière l'accès à des zones d'orpaillage, elles se referment très vite. En quelques mois, la piste, on ne la voit plus. Ah oui, mais elle existe toujours ou pas alors? Elle existe, elle peut toujours exister. Bon, s'il y a un trafic important ou si elle est très large, on la voit toujours. Mais des pistes d'exploitation, l'exploitation forestière dans ces zones-là, elle se fait de manière sélective. C'est-à-dire qu'on crée des pistes principales à partir desquelles on crée des pistes secondaires. Et finalement, on crée une piste qui va jusqu'à l'arbre qu'on veut couper. Et donc ces pistes secondaires, elles sont relativement étroites, et en quelques mois, il y a des essences qui poussent très vite et qui referment, même si la piste est toujours accessible par un véhicule, si elle n'est pas large, de l'image, on la verra plus difficilement, puisque la canopée se sera refermée. Et donc au Cameroun, l'exploitation forestière était relativement anarchique, hein, quand vous êtes arrivé dans les années 2000, les choses se sont améliorées depuis ? Oui. Depuis à peu près les années 2000, ça commençait. Il y a eu ce qu'on appelle les codes forestiers, donc les lois forestières qui régissent un peu l'exploitation en Afrique centrale. La plupart des pays ont mis en place des lois qu'on dit de gestion durable des forêts, et donc qui imposent à tous les exploitants de suivre une planification, un aménagement qui est fait. Et donc, ça impose à tous les exploitants de planifier leur exploitation dans le temps, dans l'espace, pour permettre une certaine régénération des massifs et donc une exploitation dite durable. Et donc, et ces lois sont... Maintenant, on en reparlait tout à l'heure, il y a la difficulté de la mise en œuvre de ces lois et du contrôle de ces lois, où là, effectivement, on est encore dans des États qui sont relativement faibles en termes de moyens, et personnel, humain et technique pour effectivement faire ces contrôles. Et au Brésil, c'est un peu la même chose. On a aussi des codes forestiers qui sont mis en place avec de la vérification, etc. C'est pas sur les mêmes territoires, superficies, mais... Je vais peut-être pas m'avancer sur le cas du Brésil, je connais moins bien, mais effectivement, parce que traditionnellement, c'est vraiment le bassin du Congo qui est vraiment précurseur sur ces questions d'aménagement forestier en termes d'aménagement pour l'exploitation. Avec tout l'historique de l'exploitation qu'il y a dans ces massifs-là depuis de nombreuses années. Alors qu'au Brésil, les lois, ce qui s'appelle les forêts nationales, je crois, maintenant, c'est donc des zones d'exploitation qui suivent ce même type d'aménagement, c'est relativement récent. D'autres interventions, monsieur. Bonsoir, je voudrais savoir comment on délimite une zone de parc protégé des forêts et comment la politique définit cette zone, en fait. Alors, il y a des parcs nationaux qui existent depuis très longtemps, hein, qui ont été instaurés aux époques coloniales et donc qui sont maintenus dans le temps. Alors, comment ça se définit ? Ben, c'est-à-dire que je vois en Afrique, l'expérience que j'ai d'Afrique centrale, c'est que souvent, il y a des études un peu préparatoires, précurseurs, qui font des études, des inventaires, qui mettent en valeur justement des zones de haute conservation. Ou des zones à richesse en termes de biodiversité et donc qui proposent, alors ça c'est fait par des scientifiques ou c'est fait par des ONG ou c'est fait par l'État, et donc on propose des zones sur lesquelles on veut instaurer une certaine protection. Et c'est ce qui s'est fait, hein. Alors un exemple typique c'est le Gabon où il y a quelques années le chef de l'État a vraiment formaliser un réseau de parcs nationaux, dont certains étaient basés sur des parcs qui existaient déjà et d'autres sur des recherches qui avaient été menées par des ONG de la conservation. Et donc c'est vraiment sur base de ces recherches scientifiques ou sur base des inventaires qui ont été faits qu'on délimite vraiment des zones où il y a vraiment un besoin de conservation. Et donc au départ, c'est pas fait à partir d'images satellites, ça s'est fait sur le terrain avec des cartes topographiques, etc. Il y a des relevés GPS, mais maintenant, justement, l'imagerie satellitaire a permis, dans certains cas, d'affiner les limites et le suivi dans le temps de ces zones-là. Alors, il y a monsieur d'abord, je t'en prie. Oui, je voudrais revenir un peu aux capacités d'observation des satellites sur les forêts. Plusieurs questions je me pose. D'abord, comment on arrive à distinguer, je dirais, les arbres, enfin les grands végétaux, de choses plus petites, enfin parce que ça fait une transition, je dirais, continue. Les arbres, arbustes, et puis enfin la canopée plus faible, etc. Quel seuil en fait vous déterminez pour dire ce que c'est que la forêt, puisque c'est qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est une première question. Deuxième question que je me pose, enfin, c'est vis-à-vis des capacités des instruments montés à bord des satellites. Quels sont ces instruments et qu'est-ce que vous pouvez observer? Aurélie Sand ou Bruno Mertens? Je pense que ça dépend beaucoup de la taille de la zone sur laquelle vous allez travailler. C'est-à-dire que si c'est des programmes dont on parlait tout à l'heure des suivis pour les au niveau national, etc. Donc ça, c'est des zones considérables. Et donc là, on travaille en général avec des satellites qui sont moins précis. Par contre, si on travaille sur des zones très petites, on pourra travailler avec des données satellitaires beaucoup plus précises, avec une résolution qui permet d'aller beaucoup plus loin, justement, dans la définition de ces seuils, justement, parce que c'est un gros problème de zones de transition entre les massifs denses et puis les massifs plus bas ou les massifs moins denses. Donc, ça dépendra un petit peu de la taille à considérer. Alors, mais de manière générale, je dirais que ce qui va être les critères qui vont être discriminants, c'est au niveau de la densité du couvert. Et en général, on va définir un seuil à partir duquel, par exemple, on a un taux de couverture de la canopée qui dépasse par exemple 30%. À partir de ce moment-là, on considérera cette zone-là comme une forêt, même si 70% est d'arbres plus bas ou moins denses. Mais donc, sur une zone donnée, on va partir du taux de couverture de la canopée et c'est ça qui va permettre de définir si c'est de la forêt ou pas. Au niveau de la reconnaissance des essences, là, Oui, de nouveau, si on travaille sur des zones très petites, on peut différencier les tailles des couronnes et donc pouvoir différencier pas vraiment les essences, mais des types de massifs dans lesquels on a des arbres à grande couronne, plus haut, des émergents, etc. La couronne, c'est ce qu'on voit de l'arbre voilà, quand on regarde d'en haut. Oui, voilà, c'est le rond formé par l'arbre qui est vu du haut. Et donc là, on pourra différencier de manière plus précise les couronnes. C'est possible. On peut... Pas au niveau des essences, mais au niveau, disons qu'on pourra différencier des différents types de massifs en fonction justement de la taille des couronnes, de la présence d'émergents, donc d'arbres qui dépassent ou ce type de... On peut caractériser des massifs en termes de... Mais à côté de la résolution spatiale, donc la finesse de l'image, il y a également, on en parlait tout à l'heure, la résolution dans le temps. Donc c'est-à-dire le fait qu'on puisse utiliser des images à plusieurs saisons sur une même année, ça permettra de différencier par exemple des massifs forestiers dans lesquels il y a beaucoup de feuilles de permanents, enfin qui gardent leurs feuilles, ou des arbres des massifs, parce que même en forêt tropicale, il y a beaucoup d'arbres qui perdent leurs feuilles. Donc ça permet justement, si on a des images à différentes saisons, on peut justement étudier cette saisonnalité et donc différencier différents types de massifs, et donc de probabilité de présence de tel type d'essence en fonction de cette saisonnalité. Aurélie Sand, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, mais rappeler aussi ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, il faut vraiment... Enfin, la vérité terrain, de toute façon, elle est indispensable. Donc, on va caractériser des massifs, on va caractériser, après, à d'autres échelles, des types de paysages, etc. Et après, c'est en allant sur le terrain qu'on va pouvoir vraiment définir ce qu'il y a dedans. Mais on va arriver quand même à caractériser des zones similaires. On va savoir, par exemple, que toutes ces zones-là sont similaires. Donc, plutôt que de faire tout le terrain... on va aller sur une de ces zones comme une forme d'échantillonnage en fait, mais qui est très très dirigée, et on va pouvoir, alors plus ou moins, en fonction de la complexité du milieu, mais extrapoler à toutes les zones qui apparaissent réellement similaires, et on va pouvoir supposer qu'elles ont à peu près la même biodiversité, etc., etc. Alors on a une question sur Twitter, Séverine. Oui, on a un internaute qui s'interroge en fait sur la continuité des données. Et qui pose notamment la question par rapport au problème de la Commission européenne avec le programme GMES Copernicus. Donc voilà, question de la continuité dans le temps. C'est justement une des grandes préoccupations des agences spatiales. Et ça fait partie des questions qu'on traite dans ces commissions. C'est-à-dire que les données soient toujours disponibles, y compris les données anciennes. C'est ça l'idée de la continuité ? Alors il y a deux choses. Il y a les données anciennes et il y a la notion de continuité, parce que quand même les instruments changent. Ah, continuité, c'est la continuité spatiale. Non, c'est quoi la continuité? Non, moi ce que je comprends, c'est la continuité temporelle. C'est-à-dire que par exemple, là au niveau de Spot, mettons, on en est à Spot 5, ou Landsat, dont je parlais tout à l'heure, on était à Landsat 8. Donc le premier Landsat c'est 72, le premier Spot c'est 86, donc ça commence à faire pas mal d'années. Et donc, effectivement, on est habitué à travailler avec ces données. Où il y a des données, par exemple, celles qu'on appelle d'altimétrie, de tout le suivi des océans, est-ce que l'eau monte, etc. Donc là, les satellites, ils ont quand même des durées de vie. C'est-à-dire qu'en général, ils sont prévus pour 5 ans. Souvent, ils vont facilement jusqu'à 10, voire parfois 20 ans. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ou alors, aujourd'hui, on les désorbite pour éviter de polluer trop l'atmosphère. Donc au bout d'un moment, on dit bon... Allez, on les arrête et en gros, on les fait retomber et on les fait brûler. Donc, quand on arrête un satellite, il faut qu'il y en ait un autre derrière pour faire la suite de la mesure. Et ce problème de continuité, il est double parce qu'effectivement, il faut essayer d'éviter qu'il y ait des trous. Donc là, c'est le rôle justement de ces organismes internationaux d'agence spatiale, puisqu'en gros, on se réunit et il y en a un qui dit, moi, je fais un radar. Et puis l'autre dit, moi, je vais faire la suite. Et puis, en général, chaque pays a quand même sa spécialité. Nous, en France, on est spécialisés donc dans l'optique. Et puis, dans ce qu'on appelle aussi l'altimétrie, c'est-à-dire la hauteur des mers. Les Allemands, eux, ils font plutôt du radar, par exemple. Les Anglais aussi. Donc, chacun, a un peu sa spécialité parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Hein, donc, on se partage un petit peu les travaux. Et alors, en plus, les nouveaux instruments, on essaye qu'ils gardent à peu près les mêmes caractéristiques, mais quand même, on fait des progrès. Donc, parfois, c'est pas évident de passer d'un satellite à un autre. Cette continuité, il y a quand même toujours des petits changements dans le type d'instrument. Donc, il faut arriver à retrouver l'information qui va apparaître un petit peu différemment, parce qu'un nouveau satellite, il va être un toujours un peu différent de l'ancien. Mais c'est une grosse préoccupation, la continuité des données. Alors, pour parler de GMES, effectivement, donc il y a un programme de l'Union européenne qui s'appelle Global Monitoring for Environment and Security, donc qui vise à mettre à disposition, récupérer des informations et mettre à disposition des informations liées à tout ce qui est suivi de l'environnement. C'est GMES. Ouais. C'est GMES. Alors, GMES, il y a une partie satellite, c'est pas que du satellite, hein, il y a aussi beaucoup de mesures, mais il y a une partie qui correspond à une famille de satellites qu'on appelle les Sentinelles. J'ai parlé tout à l'heure de Sentinelle 2. Et Sentinelle 1, d'ailleurs, qui est un instrument radar, il est prévu pour faire la suite du satellite qui avait précédemment européen, qui s'appelait Envisat, qui avait un radar qui s'appelait ASAR, et en fait, dont on a perdu le contrôle il y a à peu près un an. Donc là, actuellement, là, il y a un trou, puisque Sentinelle 1 va partir là, donc... Bon, mais il y a d'autres satellites qui peuvent entre faire la même chose. Entre la fin mais... d'Envisat et le début de Sentinelle 1, il y a eu Il y a eu un trou parce qu'Envisat s'est arrêté. Ouais, enfin, on a perdu le contact avec le satellite. C'était pas prévu, hein. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Et lui-même faisait la suite du premier qui s'appelait ERS, qui était aussi un radar du même type, qui était le premier satellite européen comme ça, radar. Donc c'est une préoccupation. Et on peut dire globalement que là, à peu près sur tous les instruments, la continuité est assurée, et y compris dans le domaine météo aussi. Voilà. Actuellement. C'est-à-dire que on a une bonne couverture, les radars, etc., l'optique, toutes les longueurs d'onde sont à peu près couvertes, enfin les longueurs d'onde utiles. Et puis on a des projets de renouvellement hein, de futurs satellites qui vont venir prendre la suite des existants. Ouais. Ce qui peut se passer parfois, c'est qu'effectivement, il y a un satellite qui, au bout de 2 ans, il tombe en panne. Alors là, on peut avoir des soucis parce qu'on tape quand même sur des durées de vie un peu plus longues. On ne peut pas en lancer tous les mois non plus. Hein. Donc, accidentellement, on peut avoir des petits soucis. Mais globalement, il y a une planification qui est faite pour assurer cette continuité. Au palmier à huile, roi des forêts, que tes feuilles sont tristes. La FAO est effarée, la biosphère est affolée, de même qu'en harmonie, un mi bémol est infauré. Les plantations industrielles méritent-elles le nom de forêt? Un mi bémol est infauré, oh là là, ouï, ouï, ouï. Monsieur. Bonsoir. Vous avez actuellement, à la louche, combien de satellites à votre disposition? Vous voulez dire spécifiquement pour les forêts? Ah bah oui, on parle de forêts tropicales. Non, parce que oui, ou de développement. Bah dites-nous. Vous avez vos services. Voilà. C'est 10, c'est 20, c'est 30, c'est 100. En fait, la réponse, elle est pas si simple parce que des satellites d'observation de la Terre potentiellement qu'on pourrait utiliser... Il y en a au moins une trentaine ou une quarantaine, au moins une trentaine, je pense. Parce que, si vous voulez, là, en gros, je vous ai parlé de cet américain Landsat. Bon, il y a la famille française Spot, et puis etc. Mais les Chiliens ont un satellite, ne serait-ce que, par exemple, bon, Astrium, en France, on a une certaine compétence, donc ils vendent pas mal de satellites. Donc, vous avez l'Algérie qui a un satellite, vous avez le Nigeria qui a un satellite, en Amérique latine, bon, vous avez les Brésiliens qui en font beaucoup avec les Chinois, vous avez les Argentins, vous avez les Chiliens, etc. Donc, en termes de capacité instrumentale, c'est des satellites qui peuvent aussi observer les forêts, si vous voulez. Après, ce n'est pas pour ça que nous, on les utilise. Donc c'est là où il y a une grande différence. Ils sont interconnectables. Ils sont interconnectables pour vous. Vous pouvez avoir accès à leurs données, le cas échéant. Ce sont pas exactement les mêmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Ils sont tous différents. C'est pas standardisé. Hein, on le fait pas à la chaîne. Il y a des tailles d'image qui sont très variables. Il y a des précisions qui sont très variables. Et puis il y a des capacités aussi d'acquisition. C'est-à-dire que le satellite, donc ces satellites-là, ils sont en orbite, ils tournent autour de la Terre du pôle Nord au pôle Sud en permanence. Hein. C'est pas du tout la même chose que les satellites télécoms. Ils passent au-dessus des pôles. Ils vont d'un pôle à l'autre comme ça, et pendant ce temps-là, la Terre tourne. Donc à chaque fois qu'ils passent d'un pôle à l'autre, ils voient une autre zone. Ça tourne vite parce qu'en 24 heures, il faut à peu près 14 orbites quand même. Hein. Donc ça va vite. Hein. Tourne 14 fois autour de la Terre. 14 fois autour de la Terre à 900 km, à peu près 800-900 km. Donc après. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse. Voilà. Polaire d'ailleurs, en fait, ce qu'on appelle. C'est pas très bas, me dit monsieur, mais c'est quand même l'orbite basse. L'orbite polaire, on va dire, celle-ci. Et donc, après, ils peuvent prendre plus ou moins d'images pendant une orbite. Ça dépend de la capacité des enregistreurs. Et là, on a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire que maintenant, on a des générations de satellites qui sont capables quasiment de prendre presque toute l'orbite et de décharger sur les stations. Alors, les stations, en général, on les met au pôle. Parce qu'à chaque orbite, les stations, c'est des antennes, des énormes antennes hein, qui sont au sol donc, pour récupérer en fait, les données. Donc en fait, le satellite, il passe au-dessus d'une zone, enfin, il passe au-dessus de la Terre, il prend des photos. Et quand il arrive au pôle, Et en continu, ça dépend de ses capacités. Ouais. Et plus il est cher, plus il va avoir des capacités. Et donc, vous avez des satellites comme par exemple, je vous parlais là du satellite chilien, qui prend des images à une relativement bonne précision de quelques mètres, mais il ne va pas pouvoir en prendre beaucoup pendant une même orbite parce qu'il n'a pas beaucoup de puissance. Il y a la puissance électrique, donc en fonction des panneaux solaires, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être en jeu. Et puis, donc après, ça dépend où est-ce qu'il peut envoyer ses images. Et c'est pour ça que, par exemple, sur Spot, on a un réseau de stations au sol. Par exemple, en Guyane, on a mis une station. Ça fait que dès que le satellite arrive au-dessus de la Guyane, dès que le satellite peut voir l'antenne, et ben toutes les images qu'il prend, il peut les décharger tout de suite. Donc ça veut dire que ça laisse de la place pour les suivants. Et ça veut dire qu'à chaque passage, on peut avoir une image. Sinon, vous pouvez avoir des conflits, notamment la Guyane. Vous voyez, vous êtes en dessous des États-Unis. S'il y a eu des acquisitions sur les États-Unis, la mémoire est pleine, vous n'arrivez pas à avoir vos images. Donc si vous avez une station, comme vous pouvez vous passer de la mémoire à bord, puisqu'au fur et à mesure qu'il prend les images, il les retransmet en direct. À ce moment-là, vous augmentez la capacité. Donc, pour revenir à votre question, potentiellement, il y en a beaucoup, mais chaque pays qui a, j'ai envie de dire, acheté un satellite, souvent, il l'a fait en premier pour ses besoins propres. Donc après, on a plus ou moins accès à leurs données. Il y en a qui ont des politiques relativement commerciales. Spot Image, si je ne me trompe pas, qui vend des images au Spot. Hein. Donc ça, oui. Donc vous ça, pouvez, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes... demander à Spot de prendre... Absolument, c'est des images qu'on utilise beaucoup, hein, puisque c'est le satellite français. Je vous parlais tout à l'heure des satellites qui mesurent l'altimétrie, justement la hauteur des mers. Il y a des satellites qui vont être spécialisés pour le suivi des glaces. Après, il y en a qui vont être spécialisés plutôt en géophysique, qui vont mesurer le champ magnétique de la Terre, qui vont donc... J'ai envie de dire que... Chaque satellite a un peu son domaine d'application particulier, quoi. Et puis, sans compter les satellites militaires, qui sont... Ah, mais ils font partie des satellites d'observation de la Terre. Vous n'y avez pas accès, évidemment, mais... ça dépend ce qu'on compte, quoi. On ne les connaît pas, dit monsieur. Il n'existe pas, dit un autre monsieur. Est-ce qu'on peut regarder cette image-là, celle-là, là, que je viens de vous distribuer? Alors, on voit quatre satellites. Il y a Pléiade, Spot 5... Et puis les deux sentinelles, Sentinelle 1 et Sentinelle 2. Est-ce qu'on peut les commenter, ces images, Aurélie Sand? Alors, il y a Spot 5, là, il est français. Voilà, alors vous voyez déjà Spot 5. L'avantage, c'est que là, vous le voyez en salle d'intégration. Donc, vous avez des gens à côté. On voit les gens hein, en bas. Donc, ça vous donne on voit la taille. Idée de l'échelle. Hein. Vous voyez la taille des petits bonhommes verts. Ce n'est pas des martiens, mais c'est des petits bonhommes en vert, quand même. Oui. Alors, Pléiade, donc, c'est le dernier né, on va dire, de la famille. Spot 5, il est actuellement dans l'espace. Spot 5, il a été lancé en 2002, oui. Voilà, donc il fonctionne toujours. Et Spot 5, on a prévu de le désorbiter fin 2014-2015, par là. Ah, d'accord. Donc, le faire retourner sur Terre, voilà. Hein, où il va brûler dans l'atmosphère. C'est-à-dire que, en fait, le problème des satellites, c'est que, quand même, il y a l'attraction terrestre, donc... Ils partent avec une certaine quantité de carburant. On les met sur une orbite et puis bah, régulièrement avec l'attraction terrestre, ils ont tendance à descendre un peu. Alors on rallume les moteurs et hop, on les remet sur la bonne orbite. S'il y a un risque de collision, parce que ça arrive avec des vieux satellites, parce qu'au début on ne les désorbitait pas, à ce moment-là on va dire, oh là là, il y a un risque de collision, hop, on va rallumer les moteurs, on va le déplacer un petit peu et puis après on va le remettre. Enfin, bon. Donc tout ça, ça consomme du carburant et au bout d'un moment, on n'a plus de carburant. Puisqu'on ne sait pas faire du ravitaillement en vol à ces altitudes. Donc, ce qui fait aujourd'hui la durée de vie souvent des satellites, c'est pas les instruments, ils pourraient continuer, ils sont alimentés par les panneaux solaires, tout ça, ça marche bien. Mais c'est ce problème de carburant emporté et en quantité limitée. Donc, quand il nous en reste très peu, à ce moment-là, ce carburant-là, on l'utilise pour faire descendre sur une orbite beaucoup plus basse. Et donc, l'attraction de la Terre est forcément plus élevée quand on se rapproche de la Terre. Et à ce moment-là, il reste en une vingtaine d'années, 20-25 ans, à peu près, il pénètre l'atmosphère. En général, il s'embrase en entrant dans l'atmosphère. Et ça prend. Alors, Envisat, je viens à vous, monsieur. Si j'ai bien compris, le problème d'Envisat qui est perdu, enfin, c'est pour lui. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est qu'on a tardé justement cette phase, peut-être, de le mettre dans une orbite basse pour qu'il soit contrôlé et freiné. Est-ce que c'est ça la raison ? Enfin, c'est pas ça la raison. En fait, on a perdu le contrôle d'Envisat parce que il y a des instruments qui sont tombés en panne, si vous voulez. Alors, effectivement, on va toujours plus loin que la durée de vie prévue. Mais par exemple, sur les spots, en général, on prévoit pour 5 ans et on les laisse une vingtaine d'années. Donc, il se trouve qu'Envisat, le problème, c'est qu'on a perdu le contrôle, donc on n'a pas pu le désorbiter parce qu'on a perdu le contrôle. Alors, c'est intéressant, quand on a cherché pourquoi on a perdu le contrôle d'Envisat, par exemple, avec Pléiade qui avait été lancé, qui lui est un peu plus bas, on a pris des photos du satellite avec Pléiade. Parce que parfois, avec un satellite, on prend des photos d'un satellite. On a pu photographier Envisat. Voilà, on a une photo d'Envisat par Pléiade parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une collision avec quelque chose ? Est-ce qu'il a explosé ? Est-ce qu'il y a eu un trou dans les panneaux solaires ? Donc à ce moment-là, on a pris Pléiade qui, lui, est un satellite de très très bonne résolution, hein, puisque on a des pixels de 50 cm. C'est vraiment la dernière génération. Hein, voilà. Ouais. Et 50 cm. On a pris des photos d'Envisat et on a vu qu'en fait, il était entier. Donc, a priori, il n'y a pas une grosse collision. C'est pas trop ce qui s'est passé. Mais on n'a pas repris le contact. Et du coup, maintenant, ça fait un objet volant, on va dire, entre guillemets, non contrôlé, qui est sur une orbite qui est très fréquentée. Et forcément, ça pose des problèmes. Et puis, en vieillissant, il va perdre des boulons et trucs. Et donc, ça va créer de plus en plus de débris. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes actuels, c'est les débris sur les orbites les plus utilisées, quoi. Et donc, les risques de collision. Donc, on évite les collisions, donc on dépense du carburant. Donc, du coup, les satellites durent moins longtemps, enfin, etc. L'Envisat, c'était un gros bébé. Il faisait 13 tonnes, enfin, quelque chose comme ça, ou 10 tonnes. C'est vraiment énorme. Hein. Ouais, c'était le plus gros, un très, très gros satellite. Donc, Spot 5, Pléiade, là, c'est le petit dernier avec ses... trois jolis panneaux solaires. On peut expliquer pourquoi il a ces panneaux solaires installés comme ça ? Alors, une des grandes caractéristiques et nouveautés, on va dire, de Pléiade, c'est son agilité. C'est-à-dire que donc les satellites, ils prennent des images comme ça, ils prennent des bandes, hein, orientées plus ou moins nord-sud, ce type de satellite. Parfois, des bandes terrestres. Hein, voilà, des bandes terrestres. La surface qu'ils couvrent. En fonction de la largeur de l'image, donc ça peut être 200 km ou ça peut être juste 15-20 km. Spot, hein, c'est typiquement 200 km. Non, Spot, c'est 60 km. 60 km, d'accord. 60 km, Landsat, c'est 180 km à peu près. Et Sentinel 2, ça sera lui 290 km. Donc ça, c'est intéressant pour justement suivre des grandes zones. Alors, donc, avant, donc, vous avez les satellites qui prennent comme ça juste à la verticale. Et puis, ils ne savent rien faire d'autre, ils ne savent pas trop bouger. Vous avez des satellites comme Spot qui savent aller regarder sur les côtés. Ou alors pivoter. En avant, en arrière, ouais. Voilà, ils savent pivoter. Mais ça prend un certain temps quand même de passer d'un mouvement à l'autre, etc. Parce que bon, dans l'espace, il n'y a pas d'inertie. Enfin, dès qu'on commence à tourner dès un peu... Dès qu'on bouge, on finit par... Voilà. Le problème, c'est de s'arrêter. On part vite en rotation. Et alors, une des grandes nouveautés de Pléiade, en fait, c'est ce qu'on appelle son agilité. C'est-à-dire que lui... Il peut tourner sur les trois axes. On a même fait des photos de la Lune, on a même pu faire des photos d'Envisat, etc. Et il peut revenir très vite. Il regarde sur un côté, puis très vite, il peut revenir au centre ou aller voir devant, etc. Il a ce qu'on appelle une très grande agilité. Et ça permet, par exemple, aussi de suivre, mettons, des côtes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que quand on a une image nord-sud, une côte, elle n'est jamais nord-sud. Une côte, elle est tortueuse, elle fait comme ça. Et donc, l'intérêt de cette grande agilité, c'est que le satellite, il peut faire des lacets, il peut suivre des choses comme ça, ou suivre une rivière, ou suivre des choses particulières. Il peut suivre le fil de la côte. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, il a une construction là qui est beaucoup plus symétrique, vous voyez. Donc, c'est celui en haut à gauche. Hein. quelque chose qui est très compact avec des panneaux qui font une relative symétrie pour améliorer. Donc il peut se tourner sur lui-même, il y aura toujours un panneau qui sera Voilà, puis la répartition des masses, en fait, si vous voulez, vous avez un centre de symétrie là, enfin au centre, vous avez une symétrie dans la répartition des masses. Un centre de gravité qui doit être vraiment bien. C'est d'agilité. Bien spécifié, ok. Et puis les deux sentinelles, donc eux qui vont partir. Donc il y en a un qui c'est un radar et l'autre c'est un optique. Alors, on a dit un mot comme des radars. Vous voyez l'antenne du radar, en fait. Si vous regardez Sentinelle 1, vous avez des panneaux solaires. Et puis vous avez un grand truc en dessous qui pourrait ressembler aussi à un panneau solaire. En fait, c'est l'antenne qui est tout blanc, là, du radar. Voilà. Ouais, ouais. Comme parce que le radar, il émet et puis il recueille aussi. Et donc là, c'est assez caractéristique d'un satellite radar. Donc le radar, on a bien compris que c'est formidable parce que ça permet d'acquérir des données, y compris la nuit, y compris à travers les nuages. Mais bon, il y a un problème ensuite d'interprétation de la donnée qu'on récupère. L'optique, a ses limitations là, ça marche pas la nuit, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec l'optique, c'est que on peut récupérer, on peut faire du spectral. C'est quoi le spectral? Alors, ce qu'on appelle en fait les bandes spectrales, c'est finalement les couleurs dans lesquelles on va mesurer le signal. En fait, on va mesurer l'information. C'est-à-dire que, par exemple, la végétation, elle nous apparaît verte à nos yeux parce qu'effectivement, elle absorbe le rouge, par exemple. Et donc, la photosynthèse, etc. Et donc, par rapport au spectre solaire qui arrive sur une plante, donc qui est composé de tout le prisme qu'on connaît de l'ultraviolet, enfin ou du violet jusqu'au rouge, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, finalement la couleur qui est le moins absorbée par la végétation dans ce qu'on voit, c'est le vert, et donc c'est celle qui va être la plus réfléchie puisque la végétation s'en nourrit pas, et donc on va voir vert puisque ça va être la plus importante en intensité. Donc ça, c'est pour ce qui est dans le visible. Après, les satellites utilisent aussi beaucoup des couleurs, donc en fait, c'est ça qu'on appelle les spectres, dans ce qu'on appelle le proche infrarouge, et le moyen infrarouge, enfin, différentes... Quand j'ai un satellite optique, je ne regarde pas forcément que le visible, je suis aussi capable de regarder un peu dans d'autres, à d'autres longueurs d'onde, un peu dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, etc. Et je vais acquérir de l'information, là, également. Principalement dans l'infrarouge. En fait, dans ce qu'on appelle le visible, c'est-à-dire ce qu'on voit à nos yeux, et le proche infrarouge, c'est-à-dire qui est un signal relativement proche, même jusqu'au moyen infrarouge, on voit la réflexion du soleil. Alors quel intérêt, là, d'aller dans l'infrarouge ? Par exemple, dans le proche infrarouge, là, c'est typiquement la signature de la végétation. C'est-à-dire que nous, on la voit verte, mais si nos yeux pouvaient voir le proche infrarouge, on la verrait proche infrarouge. Parce que la réflexion est encore plus importante dans le proche infrarouge. C'est vraiment ce qui domine. D'accord. Donc, on crée des instruments pour suivre spécifiquement la végétation, pour la repérer avec la plus grande précision, en ayant une sorte d'œil infrarouge qui va réussir à la repérer. En fait, on crée des instruments qui sont exactement adaptés à ce qu'on veut voir. C'est-à-dire que ça s'est fait depuis longtemps en géologie. En fonction des différents minerais, ça va réagir différemment. Donc, en fonction de ce que vous voulez observer, vous allez d'abord étudier en laboratoire, vous mettez plein de longueurs d'onde sur cet élément et vous regardez quelle est ce qu'on appelle sa signature spectrale, c'est-à-dire comment il réagit à chaque couleur. Et après, vous allez voir donc des couleurs qui vont être caractéristiques de ce que vous voulez observer. Et à ce moment-là, si vous voulez faire un satellite qui est dédié à ça, vous allez prendre exactement les bandes, ce qu'on appelle donc les bandes spectrales, que vous avez observées en laboratoire comme étant caractéristiques de ce que vous voulez observer. Alors, monsieur. Caractéristiques en réflexion du rayonnement dans la bande spectrale ou aussi en absorption ? Principalement en réflexion. Après, au niveau du radar, vous pouvez avoir une pénétration, surtout si vous avez des sols très secs. Là, vous pouvez avoir. Parce qu'en optique, vous voyez vraiment que la couche superficielle, enfin, on ne traverse pas, quoi. Alors qu'en radar, en fonction du type de sol, etc., on peut traverser, on peut avoir des informations sous-jacentes. Si vous avez du sable, par exemple, vous pouvez avoir des informations géologiques, et vous pouvez pénétrer le sable, et ça va être aussi une forme de réflexion, mais en profondeur, pas juste en surface. Et puis après, l'autre chose que vous pouvez utiliser aussi, c'est l'émission thermique. Là, c'est la lumière du soleil qui est réfléchie, par exemple, dans l'optique. Mais il y a aussi l'émission thermique, c'est-à-dire que tout corps, en fonction de sa température, va émettre un rayonnement. C'est les lunettes infrarouges dont on parle dans les films d'espionnage, par exemple. C'est effectivement le cas. Et donc, il y a aussi des bandes où on va mesurer justement la température. Donc, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge thermique. Ça donne de l'information sur la nature de ce qu'on est en train de regarder. Voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, monsieur ? Oui. Mais alors, par exemple, il y a la notion d'albédo. Bon, pour définir l'albédo, il faut rester à la même longueur d'onde, au même cadre. L'albédo, c'est la réflexion de la. Oui, l'albédo, oui. Voilà. C'est la partie qui est réfléchie par le milieu, justement, qui pénètre pas le milieu. Oui, pas par le soleil, évidemment. La partie de l'éclairement solaire qui va être réfléchie. Mais en fait, l'albédo, il est fonction de la longueur d'onde, parce que justement, pour chaque couleur, vous allez voir un albédo différent. Et il est fonction aussi de l'angle d'incidence. Donc en fait, c'est de assez l'angle complet. Avec lequel c'est-à-dire que vous la voyez que si vous envoyez un faisceau comme ça, ça va réfléchir, mettons, dans cette direction-là. Si vous envoyez verticalement, ça peut pénétrer plus, etc. Donc l'albédo, c'est vraiment une grandeur. Alors on parle de l'albédo moyen, si vous voulez, mais en fait, l'albédo, c'est une grandeur à la fois spectrale, ce qui est fonction de la longueur d'onde, mais aussi en fonction de l'angle d'incidence, en fonction de beaucoup de paramètres. Du haut des canopées, Benoît et Aurélie veillent sur la survie des forêts menacées. Les tweeteuses bleutées, les facebookers absorbés tapent sur leur clavier sous l'œil curieux des unpluggés. C'est l'ordinaire rite des mardis de l'espace. Au nom des satellites et des hot dogs grillés, bientôt ça finira. Aurélie et Benoît rejoindront leur canapé synthétique et s'écouteront la bonne musique. Mais ne leur parlez pas de Gabriel Fauré, ça leur rappelle trop le boulot. Bon, on ne va pas vous parler de Gabriel Fauré si ça vous parle trop de si ça vous rappelle trop le boulot. On va bientôt se terminer quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole et qui voudraient s'exprimer? C'est le moment, hein, parce que ensuite on va bientôt se quitter, monsieur. Oui, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure les données que vous recevez sont exploitées de manière automatique ou non. C'est-à-dire sur un exemple comme on parlait de l'orpaillage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils qui vont permettre de savoir presque en temps réel que l'orpaillage dans tel secteur a progressé, ou bien est-ce qu'il y a, pour chaque besoin, encore des opérateurs qui vont regarder les données, mesurer et produire des résultats ? Alors, on a effectivement de plus en plus de traitements automatisés, mais en général, on est sur des solutions un peu mixtes. Alors pour l'orpaillage, là, c'est relativement automatisé, ce que vous avez vu, puisque là, il y a un traitement des images quand elles arrivent régulièrement. L'exemple à Cayenne, ce qui est fait par l'ONF, donc il y a un algorithme qui a été développé, et quand les images arrivent, elles sont traitées de façon relativement automatique. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un traitement automatique et vous avez une alerte qui est faite par l'automatique, et à ce moment-là, si vous avez une alerte, vous allez avoir une intervention humaine, souvent, qui va vérifier que c'est une vraie, que c'est une fausse alerte ou pas. Ça existe par exemple aussi dans au niveau de l'hémisphère sud, bon, c'est tout à fait un autre domaine, mais on fait le suivi des bateaux illégaux, la pêche illégale notamment en Antarctique, hein, autour des Kerguelen. Donc il y a une station radar qui a été installée, automatique, et donc qui détecte régulièrement les bateaux dans la zone. Et à ce moment-là, après c'est couplé avec d'autres données, il y a ceux qui ont le droit d'être là, il y a ceux qui n'ont pas le droit d'être là, etc. Mais vous avez des alertes qui sont créées automatiquement. Et c'est le CROSS à La Réunion qui, en fonction des alertes, à ce moment-là, va intervenir, va vérifier est-ce que c'est une fausse alerte ou est-ce que c'est une vraie alerte. Donc on essaye d'automatiser au maximum, mais c'est difficile. Il y a la question des nuages aussi. On essaye d'automatiser le dénuagement des images. Bon, en forêt tropicale, on n'a pas trop de confusion. Sous nos latitudes, ça peut être un nuage, ça peut être un glacier, ça peut être d'autres choses, de la neige. Donc c'est parfois plus difficile. Et puis, vous avez les nuages. Bon, là, vous voyez une tache blanche, mais vous pouvez avoir l'ombre du nuage. Parce que le soleil, il n'est pas forcément à la verticale, en général. Il n'est pas à la verticale. On va prendre un exemple concret, là, parce qu'on a distribué cette image-là. Une image spot sur la Guyane, c'est ça. Alors, ce n'est pas le petit carré rouge qu'on voulait montrer, c'est effectivement l'image toute verte avec plein de petits... Voilà. Alors, c'est à la fois un peu provocateur, ouais, mais en même temps, c'est la réalité, souvent. Donc, ce qui se passe... comme ça, elle est difficilement exploitable. Alors, dans ces cas-là, on va quand même extraire automatiquement les nuages. On va les sortir automatiquement. Et on va... Mais on ne sait pas ce qu'il y a dessous, évidemment. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. On a un trou noir, on a un point noir, là où on avait un nuage. Et on va prendre une image qu'on essaye d'avoir assez rapidement. Ça peut être la semaine, le mois qui suit. Enfin, ce n'est pas des choses qui bougent très vite. D'autres images du même endroit. Voilà, et on va boucher les trous avec d'autres images. En fait. En espérant que les nuages ne se retrouvent pas au même endroit. Voilà, et bon, sur la durée, en général, ils bougent quand même un petit peu. Parce que un des problèmes avec les nuages, surtout dans ce genre de climat, c'est que ce type de satellite, par exemple, il passe tous les jours à la même heure. En général, c'est 10 h du matin, parce qu'ils sont synchronisés aussi avec le soleil. Donc, c'est un peu compliqué. Et parfois, c'est des formations nuageuses qui sont assez cycliques. C'est-à-dire qu'elles démarrent, mettons, en début de journée, et puis après, souvent, il y en a moins tôt le matin, et puis après, ça se développe dans la journée, etc. Donc, surtout en zone équatoriale, souvent, à la même heure du jour, on a un peu le même type de nuages, parce qu'il y a un développement qui peut se faire dans la journée. Mais en général, on arrive à peu près, en prenant beaucoup d'images, à ce moment-là, on bouche les trous. Qui ? C'est un ordinateur ou c'est des gens ? C'est un peu un mélange des deux. Voilà, c'est ça. On a encore besoin des gens, quoi. C'est pas que l'ordinateur. Benoît Mertens, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, non, je dirais sur ces questions-là, effectivement, il y a souvent encore une intervention, même s'il y a de plus en plus de procédures automatisées ou d'algorithmes qui traitent les images, il y a encore un moment ou un autre une intervention humaine sur les... Là, par exemple, sur les problèmes des nuages, effectivement, de manière automatique, on peut traiter des chaînes d'images de manière automatique qui vont pouvoir extraire ce qui est utilisable finalement et pouvoir fusionner après les différents types d'images, mais dans l'interprétation, dans l'analyse en termes d'occupation du sol, etc., il y aura encore une intervention humaine tant pour l'analyse que pour la vérification ou la validation de l'information. Alors on va bientôt se quitter, Benoît Mertens. Est-ce que pour terminer, vous voudriez nous partager un petit peu avec nous votre vision de l'avenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement les choses vont s'améliorant, que les politiques sur place, il y a une sensibilisation, il y a une prise de conscience, et même si ces pays qui sont souvent désargentés, est-ce qu'ils ont quand même cette volonté, la capacité petit à petit, y compris avec la coopération internationale, à mettre en œuvre des politiques efficaces ? Moi, j'aurais tendance à être plutôt optimiste. Donc, je dis oui, les choses évoluent. Vraiment, sur le sort des forêts, il y a quand même une sensibilisation tant au niveau politique qu'au niveau de la société. Enfin, je parle pour l'Afrique centrale que je connais mieux. Mais au niveau politique et surtout au niveau de la société civile qui s'organise, qui est assez dynamique, qui a, ça dépend des pays, mais quand même de plus en plus de liberté, même si on a encore des cas récents de problèmes justement de liberté par rapport à ces questions-là, mais par rapport aux politiques. Mais je dirais qu'il y a quand même un contexte qui fait que les choses évoluent plutôt dans le bon sens. La liberté, elle est favorable à... La liberté politique, elle est favorable aux forêts tropicales ? Il y a un lien entre les deux ? Non, je disais la liberté de la société civile de s'exprimer par rapport au pouvoir politique. Il y a plus de débats. Au niveau de l'avancée des politiques, du suivi, du contrôle, etc., je pense que les choses évoluent dans la bonne direction. Et Aurélie Sand, il y a un projet sur lequel je voudrais qu'on termine quand même, c'est le satellite biomasse, BIOMA2S, donc il n'y a pas d'E à la fin, c'est un projet du CNES qui est proposé au financement de l'Agence spatiale européenne. Et de quoi est-ce qu'il s'agit au juste ? Absolument. Alors, en fait, le projet Biomass, donc, ça serait un satellite assez novateur. C'est un satellite radar qui serait dans une bande particulière pour essayer de mieux estimer la quantité de carbone, en fait, enfin la quantité de biomasse et donc du carbone stocké. C'est des choses qu'on arrive à mesurer quand on a des végétations pas très denses. Mais dès qu'on arrive à des aujourd'hui, on arrive à le mesurer, à mesurer cette biomasse quand on a des végétations pas très denses. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu un petit peu ce que c'était que les spectres en optique. En radar, il y a la même chose. Il y a différentes longueurs d'onde. C'est pas des couleurs, mais c'est l'équivalent. Donc, on leur donne des noms, des bandes. Il y a X, il y a C, il y a L, il y a P. Et en fait, plus on continue, plus le signal pénètre. Parce que le problème, si vous regardez... Pénètre le couvert végétal. Ouais, voilà. Ouais. Si vous regardez une image satellite, bah, par exemple, en Vissa, dont on a parlé, là, c'était de la bande C, en forêt tropicale, vous n'allez quasiment pas pénétrer. Or, donc, si on augmente la longueur d'onde, on va pénétrer plus. Et plus on va pénétrer, plus on va avoir une idée en volume. Parce que le problème, c'est d'estimer le volume, finalement, de biomasse, enfin, et pour estimer la quantité de carbone. Et donc là, ça va être un nouvel instrument. Donc, il a été proposé à l'Agence spatiale européenne il y a déjà quelques années. C'est un laboratoire français, de Toulouse, le CESBIO, qui dépend également du CNES, de l'IRD et d'autres organismes de l'université, qui a proposé cet instrument qui est très novateur. Et là, bah écoutez, il est bien placé, hein, puisque donc après multiples sélections, il en restait trois, et là il a été encore récemment, il y a il me semble une quinzaine de jours, il a été remis comme prioritaire au niveau de l'Agence spatiale européenne. Donc on a bon espoir que Biomass voit le jour, qu'il soit effectivement sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Voilà, qu'il soit effectivement sélectionné. Et on a fait d'ailleurs des manips pour préparer sur avion en mettant le même type d'instrument. Sur un avion de l'ONERA en Guyane pour tester si... Parce qu'en général, quand on fait des nouveaux instruments, avant de les mettre sur le satellite, on fait quand même des tests au sol, voire... On a imaginé que cet instrument pourrait nous donner telle information, est-ce qu'effectivement il nous la donne. Donc on l'a mis sur une tour de l'INRA à Paracou, en Guyane, où là il fait des mesures continues sur une parcelle. Vous avez des gens au sol qui mesurent les arbres, qui donc font... ce dont parlait Benoît, un peu cet étalonnage. Donc il y a cette mesure permanente du radar et puis des gens qui mesurent tous les arbres, la circonférence, etc. sur des zones. Et puis on l'a mis aussi sur un avion, on a fait des campagnes avion et donc les résultats sont très intéressants. Donc on poursuit. Bon, très bien, parfait. Merci à tous les deux. Avant de se quitter, je voulais vous rappeler quand même qu'on se retrouve le 21 mai pour un nouveau Mardi d'Espace. Et ce Mardi d'Espace va s'intituler « Comment nos descendants monteront-ils dans l'espace ?» On va parler de propulsion, on va parler de nouveaux moyens pour envoyer des hommes dans l'espace. On parlera probablement d'Ariane 6 et de plein d'autres choses. Voilà, au terme de ce débat, on a évoqué ce poumon vert, qui est la forêt tropicale, un réservoir extraordinaire de biodiversité, un réservoir de carbone qu'il faut protéger. Et les satellites sont là pour ça. Biomass va aider encore plus tout ça. On l'a appris grâce à vous, et puis c'est aussi grâce à vous si ça a lieu, tout cela. Donc merci infiniment à Aurélie Sand et à Benoît Mertens pour leurs explications. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.